Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 72e épisode 72. du C'est podcast ça. du collectionneur. Alors j'avais prévu un truc, mais vu que Boss dit qu'il est parti et il n'est pas revenu, et bref, bah tant pis, voilà. Ah ouais, c'est carrément la faute à Boss D. Voilà, Mais voilà. oh, Mais vous c'est terrible. mentez. Mais C'est au revoir. voilà. C'est aussi lui qui a fait bien sûr l'annonce du podcast sur Twitter, hein, ça ne pouvait venir que de lui. Je ne suis pas responsable. Moi, C'est pas... je dis rien, mais dénoncer les frères, surtout quand ils ont rien fait, c'est pas une bonne idée, hein, monsieur. Ce soir, on va vous proposer une formule différente de d'habitude. On s'y dit, tiens, on va faire une série de podcasts et l'idée, c'est plus de s'appuyer sur un constructeur de jeux vidéo, ni une console, ni tout ça particulier, mais de parler d'une année. D'une année, et donc sur le coup, on s'est dit, bah tiens, quitte à parler de jeux vidéo, autant étendre à la culture de manière générale et parler de ce qui s'est passé cette année-là aussi en musique, en cinéma, bref, une année qu'on a vécue, et on se dit, tiens, on va essayer de partager nos souvenirs et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort et comment est-ce qu'on a vécu ces années-là, qu'est-ce qui ont pu nous marquer, forger nos goûts et tout ce genre de choses. C'est ça? J'ai bon jusque-là? C'est très Forger bien, ou monsieur. Ah, confirmer. alors moi je crois que c'était une spéciale Street Fighter, donc je Ah vais merde, ranger mes pensais que notes. c'était une spéciale tennis avec. Ah merde. Bon bah du coup bah moi je m'en vais. Non, oui, tout Bon, à fait. très Bah bien. oui, parce que effectivement, Évidemment, on voilà, la soirée énergie au tennis, c'est ça? Ça commence bien. c'est la crise de la 72aine. On essaie d'apporter du changement un petit peu. Donc le Donc, changement, c'est maintenant. Et on va vous proposer de parler de l'année 1991. Alors, on a choisi un petit peu au pif, pas vraiment. C'est une année. On s'est dit, quitte à commencer à faire un truc et à roder quelque chose qui est complètement pas rodé du tout, autant commencer par l'année la plus chargée de toutes. voilà, Ouais. Ah, c'est la plus chargée, tu penses que c'est celle-ci? Bon, je trouve pas, moi. Mais bon. ça. Puis, Mais c'est-à-dire un qu'on est truc, né ça. après toi et pour nous. Oh mon Mais. Dieu! Ah non, mais Non. une année d'après. Et moi j'ai mis 98 au-dessus, hein, en vrai. Mais bon. Ah, alors, en termes de jeux vidéo, peut-être, mais en termes de ce qui Quoique, est même autour en et de ce termes. qu'on va essayer d'expérimenter, entre guillemets, Ouais, non, non. 91, Ouais, c'est oui. pas mal, hein. Franchement, si Mais on bon, tombe bien, c'est déjà pas mal. effectivement. Mais dans un premier temps, on va faire nos petites news habituelles pour commencer à se chauffer en ce mois d'hiver. Et on va commencer par la nouvelle que Moa va nous donner plus de détails. Il semblerait qu'un nouvel OSSC soit en chemin. Ouais, alors c'est un post que j'ai vu passer bah, sur le forum Shmup System. C'est un truc qui est en cours de même pas de production, hein, de conception. Donc ça veut dire on le verra pas avant, je pense l'année prochaine, voire peut-être après. Avant jamais. Et donc c'est une révision de l'OSSC, donc l'OSSC Pro, parce que bah maintenant il faut mettre Pro partout, et qui va apporter son lot de petites modifications à. Je sais pas encore si ça justifiera l'achat si vous avez déjà un OSSC, ça ce sera à voir, mais par exemple il y aura intégration d'une entrée HDMI pour capturer par exemple des choses comme un RetroTINK 2X ou des GameCube modifiés en HDMI, enfin ce genre de choses. Il y aura les 5 connecteurs Y pour signal Calculer, composante ouais. aussi, alors qu'avant il y en avait que 3. Juste pour la vidéo, maintenant vous aurez aussi le son, donc vous n'aurez pas besoin de passer par un truc annexe pour avoir le son. Mais surtout, le truc, alors il y a plusieurs trucs qui sont prévus. Déjà, la première chose, c'est que ce sera plus simplement un line doubler comme l'OSSL le faisait, c'est-à-dire il prenait les lignes et il les doublait en gros, mais il intégrera aussi une fonction d'upscaling et autre chose. Donc en gros, il aura plusieurs modes de fonctionnement, il pourra fonctionner entre guillemets comme un frame master. Donc c'est-à-dire que là où le frame master battait l'OSSC, de pas beaucoup, eh ben vous pourrez l'avoir là du tout en un en fait, notamment pour les signaux en progressif. Donc c'est un peu tout bénef. Et ils ont prévu un autre truc qui a pas été beaucoup remonté, alors que pourtant je trouve que c'est un peu le. Enfin, c'est un truc qui peut être intéressant. C'est ils ont prévu un deuxième FPGA dans le bordel pour pouvoir mettre des cœurs d'autres consoles. C'est-à-dire en gros que ça devienne une console. Wow. D'accord. Voilà. Ok, Avec un port c'est. d'extension où on pourra justement rajouter une carte pour brancher des manettes, enfin bref. Et. Donc le truc il va coûter 800 000 euros, je pense. Non, parce que ce que tu disais, la seule chose qui pour l'instant reste de la science-fiction, apparemment, c'est d'upscaler en 4K, Tout à fait. Où apparemment on est sur des tarifs qui sont pas raisonnables. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu mon regret, entre guillemets, parce que je me suis dit, bah, tant qu'à sortir un truc qu'ils appellent pro, et autant de temps après la première itération, autant balancer la max, quoi. Mais apparemment, les tarifs restent toujours beaucoup trop onéreux pour les FPGA capables de gérer un signal vidéo en 4K. J'avoue, là, je saurais pas dire si c'est vrai ou pas, mais. Donc, toujours pas de casque. Bon. Le point positif, l'autre point positif aussi, on n'en a pas parlé, c'est Oui. que sur le coup, l'OSSC original tombe à un tarif de 110 Oui. euros nu Ouais, à l'heure actuelle. effectivement, j'avais mentionné qu'il était un. Je crois qu'il est en promo actuellement, D'ailleurs, non? je, hop, C'est je. pas vraiment une promo, j'ai l'impression, hein? C'est un peu C'est une son baisse de prix prix, ouais. définitif, oui. Je Ouais. mets le lien dans le chat parce qu'on répète Ah encore bah, une fois, un j'allais le mettre. OSSC, ça ne s'achète ni sur Amazon ni sur AliExpress. Voilà. Vous Ah, venez pas c'est. vous plaindre. Voilà. C'est ça, c'est ceux d'Amazon, en gros, apparemment, ils fonctionnent un peu, mais le problème, c'est que c'est la boîte qui est pas réglo et qui se met à piquer des projets qui sont pas forcément open source à d'autres constructeurs Ah. du monde du rétro et à se faire du bénéf sur. Enfin, voilà, c'est pas Bozik, ton réglo. micro déconne, on t'entend à peine quand tu parles. Allô? Oui, Est-ce que allô? vous m'entendez là? Ah Ah oui, c'est oui, bon, ouais. là c'est mieux là. Ouais. Ah, c'est mieux, ouais. Et donc, Et voilà, juste c'est. pour comparer, parce qu'on a parlé des fameux RAD2X, les câbles Ouais. vendus donc chez Retro Gaming Cable, l'idée c'est que c'est vrai que là, à 110 euros nu, on est à peine au-dessus d'un tarif de deux câbles. Donc, Ouais. si vous Ouais, avez c'est. vraiment 3, 4, 5 consoles à brancher, 110 euros, ça devient un prix relativement Voilà. correct. Ben, honnêtement, c'est parce que là, je suis pas dans le mood d'en acheter un. Mais ça fait quelques jours, en fait, où je me dis, ah, j'ai quelques sous de côté. Et je suis vraiment tenté, honnêtement. Moi, ça devient Alors que, abordable pour le non, coup. mais alors que pour le coup, je veux dire, j'avais acheté les câbles RAD2X pour le boulot. Et là, je me dis peut-être éventuellement investir dans un OSSC. Je sais pas. Honnêtement, j'y réfléchis. Après, À attention, ce un prix-là. OSSC, attention quand même. Hein, on va Oui. le redire, un OSSC, ça se configure. Oui, et c'est ça le plus compliqué, Et effectivement. C'est d'ailleurs, pas. OSSC Pro va simplifier ça parce qu'il va détecter certains signes. Enfin, ouais, non, je vais pas être trop technique. Il va détecter certains trucs qu'il va pouvoir configurer tout seul. C'est pas du plug and play. Pour le Pro, ce sera un peu plus proche du plug and play, mais toujours pas. Et pour l'OSSC normal, c'est pas du plug and play, quoi. Non, Mais faut. voilà. J'ai eu des retours de différentes personnes. Ont mal. Et avec tous les accessoires, ça revient à 142,90 €, ça va avec la lime, la télécommande et je sais plus quoi aussi Et avec. l'overlay de la télécommande qui vend à part. Voilà, oui, effectivement. Ouais. Ce qui est un peu. Voilà. Et par contre, attention, TVA incluse et frais de port inclus normalement. Ah d'accord. Non, c'est pas inclus les frais de port, je sais plus. Je pense pas les frais de port, En non. tout cas, vous serez pas emmerdé par la douane. D'accord. Et c'est expédié de où en fait? Bah, je crois que c'est expédié d'Angleterre en vrai, donc en plus. D'accord, ok. Ouais, d'accord. News suivante. Alors, on en a entendu parler, Digital Foundry a même fait une vidéo. Je mets le lien vers le tweet originel. Pouf. Il a été. Donc, on va revenir au début d'histoire rapidement. On sait qu'il y a certains jeux Super Nintendo qui ont été streamés via le système satellite japonais à l'époque, le fameux BSX de la Super Famicom, et dont on pensait avoir définitivement perdu la trace, puisqu'ils ont été envoyés sur les consoles pendant une période extrêmement limitée, et qu'on pensait que personne n'avait gardé ces données-là. Le magasin Super Potato, on ne sait par quel miracle au Japon, a rentré une cartouche BSX avec dessus un jeu qui n'a jamais été dumpé. Il se trouve que des associations de préservation ont mis leurs sous en commun pour acheter cette cartouche et la dumper. Et c'est maintenant fait, vous pouvez télécharger la ROM et y jouer. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Coolie Skunk. Skunk, ça veut dire putois en anglais. Qui est une espèce d'early version d'un jeu qui sera retravaillé et peaufiné un peu plus tard pour la PlayStation 1 et qui ne sortira qu'au Japon. C'est un jeu de plateforme en 2D. C'est jouable du début à la fin. C'est plutôt agréable. Ouais, si je dis pas de conneries, c'était à la base censé être une démo hein, qui a été fuitée sur Satellaview. Mais le truc, c'est que c'était une démo, entre guillemets, il y avait juste un petit bout de code qui disait tu C'est t'arrêtes ça. au bout de 15 minutes, un truc comme ça, mais en fait, le jeu complet, il est dedans, quoi. ce genre de bêtises qu'on voit arriver sur les consoles modernes, et c'est déjà le cas à l'époque. Voilà, c'était censé pouvoir juste essayer le jeu, mais le code complet du jeu était bien envoyé aux consoles. Il y a pas un jeu comme ça sur Mega CD, c'est pas Keio en fait, où il y a eu une version de démo en fait, où il y avait le jeu complet, et quand tu faisais un code en fait, tu pouvais jouer au jeu en entier. J'ai entendu parler de ça, oui. Je me souviens plus exactement de quel jeu, mais il me semble précis. Et le jeu, j'ai pas testé encore. Par contre, moi, ce que j'en ai entendu dire, c'est que le jeu, le jeu PS1, du coup, hein, qui est sorti effectivement pour de vrai, la presse l'avait un peu taillé quand il est sorti. Mais de ce que j'ai entendu, en fait, c'est que c'était le jeu, en vrai, il est sympathique. Mais vu qu'à l'époque, fallait que tout soit en 3D, le jeu s'était fait tailler juste là-dessus. Alors que le jeu est, c'est pas un jeu exceptionnel, mais il est vraiment sympathique. Donc graphiquement, ça a l'air d'aller pour la Super NES, non? Moi, j'ai vu, ça a l'air correct. Après, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est quand même jouable, mais agréable. C'est un jeu de dés sympa, c'est surtout historiquement, oui, c'est un peu. Mais par contre, important. Il y aurait d'autres jeux qui sont dans les tuyaux qui auraient été retrouvés de la même manière. On en saura plus dans les semaines à venir. On tiendra au courant en tout cas, mais c'est déjà une belle réussite pour les associations de préservation qui arrivent à faire de jolies choses. Ouais. Et tu sais, graphiquement, c'est moins ouf qu'un Super NES, mais voir ce type de petits personnages qui donnent des coups de queue comme ça, animaliers et tout, ça fait penser un petit peu à Mr. Nuts, je trouve. Mr. Nuts, ouais, effectivement. Carrément. Mm-hmm. Sauf que c'est un putois. Oui. Donc c'est. Sans transition. Monsieur Chou, tu nous as mis le news. Hop, je fais la colle. De découverte d'un prototype. Alors, tout d'abord, big up à l'un de nos collaborateurs d'outre-Atlantique, hein, The Mike, pour ne pas le citer, qui souvent en fait me partage des articles. De en fait rds.ca, donc un site canadien. Donc en fait voilà, il y avait un article que j'ai trouvé assez complet, même si j'avais vu en fait passer des choses assez similaires sur Twitter, dans les heures qui ont suivi l'article qui m'a été envoyé, mais au moins l'article condensait quand même pas mal d'informations. Donc en fait, apparemment, l'une des idées à l'époque de Nintendo 64, c'était d'inclure en fait un écran dans la manette. Un peu avec certaines fonctions qui font un peu penser au VMU de la Dreamcast. Mmh. Apparemment, ça avait même eu des petits articles dans la presse qui détaillaient un peu le truc. Bon, c'est jamais resté à l'état d'un proto, mais apparemment, en fait, il y a des gens qui ont en fait le proto dans leur collègue, et je suis en train d'entendre mes voisins qui gueulent, et je sais pas pourquoi, et je m'en fous. Voilà. D'accord. C'est formidable. Ok. Oui, j'avais vu passer les photos sur Twitter avant que tu mettes l'article, effectivement. Oui. Moi, j'avais vu passer les photos, mais j'avais pas trop compris en fait le truc. Mais au moins l'article a le mérite d'être clair en termes de apparemment ce qui était prévu et des informations qui avaient circulé à l'époque dans la presse. Donc, voilà. C'est assez sympa. Et d'ailleurs, hein, pour des news des fois un peu rétro gaming, jeuxvideo.rds.ca. Il y a souvent des articles de qualité. Je ne vais pas régulièrement, mais... Si vous voulez acheter ce prototype, j'ai 5 000 $. Non. Voilà. Et c'est en enchère. Hein. Non, c'est une blague. La première enchère, elle est à 5 000. Ah bon, voilà. ça a vraiment été mis en vente? Oui, ça a été mis en vente sur eBay. Ouais. Arrête. Je passe à côté? Ah bah ça existe, donc c'est forcément mis en vente. Voilà, d'accord. Et voilà, il y a personne qui a enchéri, du moins sur l'article, mais effectivement... Et donc voilà, cette jolie bébête rejoint la PC Engine LT, rejoint également l'écran que Sony avait vendu pour sa PS1 aussi officielle. Ah oui, effectivement. Voilà, des écrans, des petits écrans comme ça pour console officielle. Bah, disons que ça a au moins le mérite d'être intéressant pour voir en fait... toutes les choses en fait qui sont parfois prévues et envisagées par les constructeurs jusqu'à la version finale des consoles qu'on a dans les mains. Alors ensuite, on apprend que bientôt aux États-Unis, nous aurons des Love Hotel Atari. C'est ça? Ouais. Alors, j'ai peut-être rajouté un mot dans la phrase. Ouais, non, mais j'ai pas. Ne me demandez pas comment je suis tombé là-dessus. C'est juste que voilà, Visiblement, en fait, le truc que Google, il doit savoir en fait que j'aime bien Atari, et du coup, il me propose de temps en temps des news comme ça. Et donc, apparemment, c'est plus ou moins ce qui est prévu. Bon, les hôtels Atari, selon l'article, comprendront des espaces communs prenant en compte les dernières tendances hôtelières avec un focus sur l'univers des jeux vidéo et la marque Atari. Donc, en gros, ben, tu auras en fait une console Pong d'époque, tu vois, branchée sur un CRT dans ton truc. Putain, ce serait stylé, en fait. Bon, j'ai rien dit. Oui. Oui, bon, j'imaginais bien des chambres à thème, mais je commençais à avoir un peu peur aussi. Ouais, non, bah, après, attention, moi, il y a... Attends, comment ça s'appelait ce... Vous savez qu'il va avoir une chambre Billy Mitchell. Vous en êtes conscient, hein. Taisez-vous, monsieur, arrêtez. Je réfléchis parce qu'en fait, il y avait un jeu d'arcade bizarre qui était surnommé le jeu avec les tétons. Du coup, je suis en train de me dire, cette chambre Atari, là, je ne tiens même pas à savoir ce qui s'y passe là-dedans. Mais je me souviens plus le nom de ce jeu. Enfin bref, si j'arrive à retrouver le nom de la borne, au pire, je mettrai dans le chat. Mais c'est. Voilà. Avec Atari, je me méfie quand même. Ok. Je vais essayer de chercher en attendant quand même. D'accord. Bon, sur le coup, s'entend d'ici en news suivante. Un des gros soucis qu'on a avec la préservation du matériel moderne, ce sont les lecteurs optiques. Les lecteurs optiques qui sont les points faibles des consoles à lecteurs optiques. Et il se trouve que certains font tout pour tenter de trouver des solutions afin de remplacer ces lecteurs. Et moi, tu nous fais état d'une belle avancée pour le GameCube. Le GameCube, ouais. Y a... Avec donc un loader de jeu 100%. Sans soudure. Sans soudure, c'est ça, ouais. En fait, il y a quelques temps, alors je ne sais pas exactement combien de temps, il y a ce qui est sorti le GC Loader, qui permettait en fait de remplacer le lecteur optique de la GameCube par un lecteur de carte SD. Mais il fallait souder 2-3 trucs. Apparemment, c'était assez simple, mais bon, pour certains, c'est toujours trop compliqué. Hein. Voilà, je lève la main. Et. Vient d'être annoncé par donc Citrus 3000, enfin ou Dan, on l'appelle Dan nous, la version sans soudure de ce truc. Donc juste en démontant le lecteur optique, on pourra brancher un lecteur de carte SD, ce qui est plutôt pratique. Branchant des nappes apparemment. Ouais, c'est ça. En fait, juste en branchant la nappe du lecteur optique sur le bidule à installer dans la console, et derrière ça, en fait... c'est plutôt sympa. Après, ensuite, il y a toute la scène entre guillemets homebrew et tout, qui a créé des trucs en imprimante 3D, vous savez, pour pouvoir couvrir tout ça et faire comme si la GameCube elle était pas vide. Enfin voilà, c'est bon. Après, chacun fait comme il veut, quoi. Mais du coup, voilà, on pourra mettre nos jeux GameCube sur carte SD. Alors c'est bien entendu que pour dans un souci de préservation, hein, bien entendu, pas pour autre chose. Oui, totalement. Et accessoirement, les temps de chargement aussi seraient drastiquement réduits sur certains jeux. Mais du coup, ça ne peut pas poser problème pour des gens qui speedrun en fait des... Je ne sais pas, je n'ai pas l'info, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. S'il y avait moyen de justement de réguler ça. Ouais. Mais il faut quand même savoir un truc. Donc déjà, premièrement, une console modifiée à ce point-là, je ne pense pas qu'elle passe de toute façon en speedrun. Ouais. Okay. Deuxièmement, même si un jour faudra bien y venir, les temps de chargement, c'est ce qu'il y a de plus inégal hein, dans un speedrun. Parce qu'une console, il suffit qu'elle ait une lentille un peu plus abîmée que la console de l'autre, et tu peux perdre 3 secondes sur tes temps de chargement à cause de ça. Donc, ça se discute. ça se discute. Mais enfin, voilà. Mais c'est plutôt sympa. Hein. Après, là, on a discuté tout à l'heure en coulisses. Il y a la même chose qui est sortie depuis quelques années pour Dreamcast. Oui, il y a des projets sur Saturn qui arrivent. Enfin, voilà, plein de trucs sympas. Sans soudure. Ouais. Mais celui-là, sans soudure, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je testerai dès que je pourrai. Parce que t'es notre test. Parce que pour le moment, en fait, il existait un truc similaire, mais apparemment, c'est un merdier à souder, à faire la modif, non ? Bah non, de ce que j'ai compris, le truc qui était sorti. Alors, il y a peut-être eu plusieurs projets, hein, mais il y en a un qui est sorti récemment où c'était pas trop simple, pas trop compliqué. D'accord. À partir du moment où tu avais déjà ça avait déjà soudé quelques trucs, hein, attention. Mais là, ils ont repris ce truc-là et ils l'ont fait sans soudure, comme ça, t'as juste à dévisser des trucs et c'est parti. Moi, si je soude mes doigts à partir de là. Vaut mieux éviter. C'est clair. C'est un peu comme ça, moi aussi. Okay. Voilà. Bon. Écoutez, voilà, on est toujours à l'affût. Aussi, on attend toujours des nouvelles donc, de la version Saturn. Oui. Notre doc abrasive. Alors, professeur abrasive, ouais. Ouais, alors lui, honnêtement, je sais pas trop ce qu'il fout. Là, ça commence à sentir un peu le moisi. Mais ouais. En fait, il y a d'autres projets qui se montent en parallèle. Plus pour pareil. Professeur abrasive, ça passait par le port série de la Saturne, ou je sais plus comment il s'appelait, mais un port qui était derrière. Là, ouais. Ce serait d'autres projets qui se montent pour faire bah, comme ce dont on vient de parler. On enlève le bloc optique et on le remplace par un lecteur de KCZ. De carte SD, mais ça j'ai pas encore trop de d'infos sur l'avancement des projets, donc je sais pas, donc à voir. Mais ouais, donc okay. Le kit sans soudure c'est pareil, hein. On sait pas trop quand il sort, mais c'est dans quelques semaines quoi, quelques. Oui, donc c'est ouais, c'est quand c'est, même bien, c'est dans pas longtemps. Dernière petite news. Alors désolé à l'avance, mais c'est un lien Gameblog. T'es pas obligé de cliquer. On va parler de. Voilà, merci. Image d'un prototype. De GBA compatible avec une manette Super Nintendo modifiée pour faire des tests apparemment. Ouais, j'ai vu passer ça il y a quoi, une journée ou deux. Me demandez pas pourquoi encore une fois, mais comme en fait le seul site qui en parlait c'était Gameblog à ce moment-là. C'est étonnant d'ailleurs qu'il y a que eux qui relaient cette. Bah des fois pour ce genre de news c'est un peu les seuls à relier. On a droit d'aimer ou pas, mais on peut pas leur reprocher parfois de. Non parce que c'est étonnant. Et même dans leur lien, il y a une faute d'orthographe, ils ont oublié un E à manette. Ah ben oui. Oh, tu sais, hein, ce ne sont pas les seuls à faire des. Non, évidemment. Dans des tweets. Évidemment. Donc voilà, donc c'était vraiment un early proto avec un écran non rétroéclairé, il faut le dire, sur lequel ils avaient connecté une manette de Super Nintendo. Donc voilà, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bon, au moins, étant donné qu'on parle souvent de prototype, machin, tout ça, et qu'on avait déjà un autre news avec le prototype manette. Oui, mais c'est très. La N64, je m'étais dit qu'éventuellement, on pourrait en parler. Du coup, si vous aimez, voilà. Bon, malheureusement, les photos du circuit imprimé sont un peu dégueulasses, sont un peu. Voilà, la résolution, elle n'est pas top. J'allais dire, si éventuellement vous êtes un fan de circuit imprimé, ça reste quand même lisible, sauf que je vois qu'ils ont retiré en fait les. Ça, c'est beaucoup d'ailleurs hein, pour des protos. En fait, on retire en fait les inscriptions en fait, sur une puce. Et c'est ce qu'ils ont fait apparemment sur le CPU. Ouais. Et restez à l'affût, parce qu'avec un peu de chance, évidemment, il sera en vente sur eBay. Voilà. Je trouve ça super intéressant ce genre de truc et en plus je me dis ça se trouve est-ce que c'est le fait qu'ils aient utilisé ce genre de proto qui a fait qu'il y a pas mal de jeux Super NES qui sont sortis dont notamment Super Mario Bros 2 qui est sorti au lancement et qui sont basés sur ce jeu là pour faire fonctionner ou est-ce que c'est l'inverse, c'est parce qu'ils voulaient sortir des jeux Super NES qu'ils ont fait ce genre de truc, enfin, ça pose plein de questions, je trouve ça cool, moi j'aime bien. Ou alors, ça se trouve, ça n'a rien à voir, c'est juste que bah, c'est comme ça. Et il me semble que la personne qui a acheté ce type, c'est aussi la même personne qui. Ah, ton micro, par contre, il coupe. Ouais, vas-y, ça coupe, ouais. On n'a pas compris. Ah, coupe, alors c'est pas de ma faute. Saleté de micro. Non, je disais, le type qui a sorti le proto, c'est le même que celui qui a sorti le prototype, l'écran. D'accord, ok. C'est la même personne. C'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement. Bah en fait, c'est les mêmes contours. D'accord. Attends, j'essaie de regarder ça. Donc, ça doit être un Monsieur Proto. Ouais, Karamazov, les frères. Ouais. C'est Protoman. Protoman, ah oui. Protoman, vous connaissez ça mais... Ouais, non, bah en oui. Fait, quand on voit son, comment dire, son compte Twitter, le mec, il tweet sans arrêt sur des machins hyper obscurs. Donc oui, c'est Monsieur Proto. Ouais, effectivement. Mais attendez, on n'a plus de news. Eh oui. Il est 21h26. Mais comment on va faire pour tenir une heure et demie ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je suis choqué. Moi, je suis fier de vous. Bah, après, c'est, Ouais, bon, ce que j'allais dire, on peut peut-être dire au revoir en fait. Oh, c'est Actor Studio qu'on fait. Là, c'est fabuleux, donc on va passer à un autre film. L'année 2021. Allez, c'est parti. Ouais, je voulais juste, hop, vite fait pour faire transition, juste un petit lien YouTube, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de big up. Ah, oui. Il y a notre ami, comment il s'appelle ? Gontran, Rodolphe, Hubert, merci mon assistante, de chez Metallica, qui a sorti une petite vidéo qui parle de métal et de jeux vidéo. Je voulais voir ça. Ah, je connais absolument pas. Je connais pas du tout, mais il y a juste un moment, j'ai fait la remarque dans les commentaires. Moi, ça va te faire un petit peu bizarre parce que il cite une reprise version métal d'un morceau de Megaman, et il se trouve que c'est un des boss de Megaman X. Et il dit pas X, et donc j'étais en mode ah non, faut pas faire ça. Il a dit Megaman Cross. Non, il dit Megaman tout court. Oh. D'accord. Au lieu de Megaman X. Erreur. Moi, je. Mais bon, bref. Voilà. J'en profite du coup. Megaman Cross. Petite vidéo d'une personne qui expliquait comment fonctionnaient les graphismes sur une Game Boy. Voilà. Donc de Modern Vintage Gamer. Et c'est. Ah oui, mais toi aussi t'es abonné. Je suis pas abonné, mais je l'ai vu passer. Là, bon, YouTube, il a dit. YouTube, il m'a dit, tiens, ça peut peut-être t'intéresser. J'ai fait, bah putain, YouTube, tu bosses bien. À l'écoute de sa chaîne, il y a pas longtemps, il avait fait un. Il avait aidé à restaurer en fait un. Ah, un jeu jamais sorti dans une Xbox, dans la première Xbox en fait, ouais, qui était resté dans un kit de développement, et c'était assez sympa. Ok. Red Skier, tu dis il a un air de Benzaï. Si. Ben oui, sauf que c'est vrai. Carrément. Que... Ah, voilà. Donc... Cette référence quand même, c'est magnifique. Donc sur le coup, alors on va faire un petit retour en arrière. En l'an de grâce, 1991. Le siècle dernier. Bon, déjà, est-ce que tout le monde était né ici? Oui. Pas de beaucoup, mais ouais. Non, j'étais né, mais pas de beaucoup, je dois l'avouer. Hein. C'était donc un tout petit moi. Un tout petit moi. Par où commencer? Un moi petit, du coup c'est... Non. Je suis fatigué. C'est 1h28. Ça va être très long. Ah ouais, okay, il reste encore une heure et demie. Alors, l'année 1991, on va resituer déjà. Qu'est-ce qui a été fait cette année-là en jeu vidéo? Je veux dire, au niveau hardware, on en était où exactement? Ben, on était à la NES, la Master System. On était à la Mega Drive qui venait à peine de sortir chez nous. La Lynx. La Lynx. Oh, la vache. Voilà. C'est mal. Hein. Donc, on était sur une période un petit peu de transition entre la fin des consoles 8 bits et le début des consoles 16 bits. Voilà. 16 bits, ouais. On était dans le début des années 90, donc le format CD était en train de totalement s'imposer, prendre le pas sur le format cassette audio et tout ce genre de choses. La VHS était bien implantée. Oui, VHS, tout ça, c'est cassette vidéo. Et on était content d'aller voir des films au cinéma qui avaient des bandes-son en stéréo, parce que c'était déjà bien. C'était fabuleux. Oui. Et moi, je faisais la guerre du golf. On a même plus besoin, en fait, de faire des blagues. Il les fait lui-même, c'est ça qui est formidable. Ouais, le début 91, ouais, c'est l'opération Tempête du désert, je me rappelle. C'était... Ah ouais. Ah, ça commence déjà à balancer des noms. Le name dropping. Ah là là. Donc oui, c'est... Alors, donc, tiens, pour situer, moi, donc 1991, c'est l'année de mes 11 ans. Ah, moi, donc, j'avais 3 ans. D'accord. Ah, j'en avais 9, j'en avais que 9, ouais. Ah, ça a coupé pile au même moment. Ça coupe Bosdick. Non, je devais avoir 91, 11 ou 12 ans. Peut-être. Et pèle donc au moins 40. Bah oui, moi j'étais aux commandes d'un F-111, hein, comme je disais tout à l'heure, pour détruire un réacteur nucléaire en Irak, je vous dis. Non, mais par contre, je m'en souviens, j'étais déjà dans les salles, dans les classes 91. Ouais, j'étais au lycée, quoi, déjà. Hein, de toute façon. Bah, ouais. Je passais mon bac, je crois. C'est terrible. C'est sérieux? Bah, attends, 91, moi, j'étais pas cinquième. Ah non, attends. Il sait plus. Non, mais avec la vieillesse, c'est un naufrage redoutable. Hein, parce que même, ah, moi, j'en peux plus, même moi, 91, ouais, j'étais... Je pense qu'on est 6ème, 5ème. Il vaut mieux passer à la suite parce que si on attend. Oui, oui, oui. Ça va être long, c'est bon. Voilà. Ah, si, mais si. Non, je présente pas. J'étais en première. Donc, voilà. Je passais le bac de français. Tu passais un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle. Non. C'était le bac de français. Ben oui, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais... Il nous a tués parce qu'on vient de s'apercevoir que Belle, effectivement, a fait la guerre de ses. Il a fait la guerre. Donc continuons. Donc ouais, dans ces années-là, moi je me souviens à l'époque, j'avais une Master System 2. Pareil. Et moi j'avais la 1. Ah moi j'avais encore la NES et la Game Boy. Ah même pas, attends, la Game Boy, je l'ai eu quand? Ouais si. La Game Boy, je l'ai eu en 4. Ça coupe aussi quand t'entends. Moi j'avais probablement mon pouce dans ma bouche. Hein. Je pense qu'il faut juste régler la sensibilité de ton micro, Bozdik, la baisser un peu. Je crois que c'est juste la sensibilité qui gêne. Ouais, c'est juste ça. Hein. Parce que je t'entendais assez faiblement, en plus. Ouais. Et toi, Pelle, tu jouais sur quoi en 91? Voilà. Il réfléchit, je pense. Ah, ou alors, c'est la coupure internet de 21h30. Ah non, t'entends. On t'a entendu bouger, mais... Ok. Et donc, sur le coup, je sais pas, vous voulez commencer par quoi? Peu importe. Ah. Bon, qu'est-ce qui vous a marqué cette année-là? Cette année-là. Ah, bah ça, pour faire le coup, il est là. Hein. Quand tu me poses une question sérieuse, voilà. c'est donc, fini, sur le coup, on réitère. Belle, à quelle console tu jouais à l'époque? Alors moi j'étais sur la NES à ce moment-là et alors 91 la Mega Drive c'était l'année suivante hein, en fait hein. Oui. Ah oui, c'est l'année suivante. Ouais. Bah tu vois j'étais sur Amstrad beaucoup, Amstrad CPC 6128, je me souviens. Ouh. Je jouais à la NES avec le frangin et j'allais prendre la Mega Drive Day One. Voilà, je l'attendais. Ouais, du coup on parle chez nous parce qu'il me semble que c'était 91 au Japon hein, la Mega Drive si je dis pas de Non, c'est aux États-Unis, je crois. Aux États-Unis? Je me trompe, hein, il me semble parce qu'elle est sortie plus ou moins en même temps que Sonic en fait aux États-Unis. Ouais, non, ouais. Ouais, logiquement, ouais. Non, mais on en a parlé avant, Pelle, la Mega Drive, c'était ça, c'était 90, c'était avant 91. Ah, c'était 91. Ah bah alors je l'avais déjà, 91, je dis des bêtises, bah oui. Donc, effectivement. Tu faisais partie des early buyers. Putain, moi j'avais un ami à moi qui l'avait et il jouait à Sonic. Et j'en rêvais la nuit. J'avais essayé de faire j'avais essayé d'échanger ma Master System contre sa Mega Drive pendant un temps, histoire de jouer à Sonic, et sa mère n'avait pas voulu. Alors, je peux confirmer, je l'ai eu Day One avec Altered Beast. Hein. Voilà. Et je l'ai eu Day One, hein, la Mega Drive. Okay. Ben, moi, je n'avais qu'une pauvre Master System, mais j'avais un pote qui avait une Mega Drive. Ah oui. Oh, on peut commencer par ça déjà, Sonic. Bah Sonic, parce que tiens, j'en parle, c'est un des jeux qui a marqué l'année 91. Ah oui, et je pense. Sur Master System et sur Mega Drive. Ouais, je me rappelle beaucoup de la promotion du jeu. Alors, ce qui était drôle, c'est que les magazines de l'époque, comme les hors-série, tu sais, de Console Plus et tout ça, faisaient déjà mettaient Sonic en couverture, tu sais, pour aguicher l'acheteur, hein, le potentiel acheteur, mais il n'y avait pas encore de test du jeu dedans. Le personnage était déjà extrêmement populaire alors que le jeu n'était pas encore sorti. Je me souviens très bien de ça. Mais moi, c'est pas Sonic hein, qui m'a trouvé sur mes drives. Disons que Sonic, lorsqu'ils l'ont sorti, c'était vraiment dans le but de montrer la supériorité des 16 bits déjà sur les consoles 8 bits et en plus d'ériger Sonic au niveau de mascotte. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je rangeais mon frère en jouant à la version Master System et que je voyais la version Mega Drive donc chez une amie à moi. Et j'étais comme un dingue. J'avais vraiment envie de jouer à ça. Un petit mot rapide sur Sonic Master System, parce qu'on a toujours tendance à l'oublier un peu, à le considérer comme un mineur. Outre le fait que c'est pas du tout la même chose que la version Mega Drive, il est dû à la société Ancien. Ancien, c'est la société de Yuzo Koshiro. Mais. Et donc, c'est le premier jeu sur lequel cette société a bossé avant d'intervenir dans des jeux comme Streets of Rage 2, Actraiser 2, Robotrek, La Légende de Thor, La Légende de Thor 2, ou Shenmue plus tard. Voilà, pour donner un petit peu une idée à l'époque de l'équipe qui s'est occupée de Sonic the Hedgehog sur Master System. C'était pas mais des rigolos. Pour la Mega Drive. Oui, vas-y. Non, je disais, c'était pas des comiques, quoi. C'est... pour la Mega Drive, quoi, t'as pas des comiques. Ouais, non, je disais que la Mega Drive, c'est Sonic qui l'a propulsé. Hein. Il y a eu un avant et après le jeu, hein, quand même. Hein. Les gens tardaient à avoir des bons titres, hein, un petit peu sur la Mega Drive au tout début. Même s'il y avait quand même des bons jeux. Mais je veux dire, Sonic a complètement tout chamboulé, hein, c'est clair. Alors que moi, c'est pas le jeu qui m'a fait chavirer. Ouais. C'est Street of Rage. Ouais. Parce que Street of Rage, mais qui est sorti aussi en 91. Hein. Il est sorti en 91, et quand tu passes de Double Dragon au Master System. Ah bah oui. À Street of Rage, la sensation n'est pas la même, et tu pleures du sang quand tu joues à Double Dragon. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle que j'ai découvert d'autres jeux de la sortie de la Mega Drive, justement comme Street of Rage, ou ça par un pote. J'ai tardé quand même à racheter d'autres jeux après dessus. Parce que, comme je disais, ça tardait un peu à venir. Mais après, ouais, c'était un coup de cœur énorme, la Mega Drive. J'y jouais tout le temps. Ok. L'autre jeu, moi, marquant sur Mega Drive, qui est sorti en 91, auquel je jouerai plus tard, donc quand j'aurai la Mega Drive, quelques temps plus tard. J'avais acheté la Mega Drive pour la sortie de Sonic 2, c'est-à-dire l'année suivante, peut-être. Voilà. Mais l'autre jeu qui est sorti en 91, c'est Quackshot. Oui, j'aime beaucoup. Ah, 91 aussi, d'accord. Le fameux jeu avec Donald. Et, encore une fois, faire un parallèle intéressant, Quackshot, à l'époque, sur Mega Drive, est sorti en même temps que Lucky Dime Capper sur Master System. Ouais, comme une différence. Ouais. Très bien. Et donc, voilà, c'est deux jeux Donald, encore une fois, deux jeux qui sont totalement différents l'un de l'autre, mais qui sont vraiment intéressants et vraiment à essayer et à jouer. Avec peut-être Lucky Dime Capper qui est peut-être un peu plus difficile, on va dire ça comme ça. Un peu plus injuste dans sa façon de dérouler. Non. Voilà. Non, mais 91, c'est vraiment une année de malade. Voilà. Ouais. J'ai juste pour rappeler, justement, j'ai une petite anecdote avec Quackshot, c'est que j'avais failli l'avoir, je me rappelle. Oui. Le problème, c'est que mes parents ont ramené Fantasia à la place. Voilà. Ah, ça se gâte. Ah. T'as été puni, en fait. T'avais fait des bêtises. Non, ils pensaient vraiment bien faire. Le problème, c'est que j'ai joué au jeu, j'ai tout de suite compris que ça allait pas me plaire. Hein. J'ai tout de suite compris que ça allait être de la merde. Ouais, non, mais clairement. J'ai dit, putain, le jeu est beau, mais ça se passe pas bien. Et là, je leur ai demandé, mais il n'y avait rien d'autre, je me souviens. Et là, ils m'ont dit, mais si, il y avait le jeu aussi avec Donald là, dans un avion. Et là, j'ai hurlé. Mais j'ai hurlé parce que j'avais le test de Player One sous les yeux, j'ai hurlé. Et ta moustache a frétillé de malade. Je viens Pelle qui était là en mode, mais regardez, putain, regardez la note du jeu. Ouais. Non, mais c'était ça. Hein. C'est terrible. Vous avez gâché ma vie. Vous êtes plus parents, vous avez ruiné ma vie. Voilà. Et le pire, c'est que je ne me suis jamais débarrassé de Fantasia. J'ai toujours. Tu l'as toujours. Le syndrome post-traumatique aussi pour ce jeu. Non, mais vous savez aussi, 91, c'est la sortie de quel jeu? L'un des plus grands jeux. Eh ben oui. Non, mais t'inquiète, hein, moi, j'ai. T'inquiète pas, j'étais au taquet hein, pour ça. Celui qui a failli me faire redoubler ma sixième, ma cinquième. Ma petite vanne du début du stream, elle t'est pas anodine non plus, hein. Non mais oh. Voilà, c'est la sortie de Street Fighter 2. Un petit saut du côté des salles d'arcade, et donc comment Capcom va, même pas révolutionner, c'est au-delà de ça, créer le versus fighting. Alors honnêtement, c'est rigolo, parce qu'en fait, le jeu est sorti dans les salles japonaises, selon Wikipédia, le 6 février 91. Au mois de juillet, le jeu était déjà en France. Et c'est rigolo parce qu'en fait, je me souviens pas à l'époque avoir vu une hype dans la presse comme quoi le jeu, voilà, machin, Après, peut-être je suis passé à côté à l'époque. La hype, elle est venue quand le jeu est arrivé sur Super. Sur Super NES, ouais. Ouais. Sur Super Famicom et Super NES. Quand je me suis pointé, c'était au plein mois de juillet, hein, où j'allais avec mes parents en vacances, quand je me suis pointé à la salle d'arcade, j'ai vu un truc, un phénomène inhabituel. D'habitude, il y a toujours du monde, mais pas des gens qui font la queue devant 3 voire 4 bornes au point de, comment dire, tu vois, les gens limite jouer des coudes pour que ça soit leur tour de jouer. Donc, au bout d'un moment, tu te frayes un chemin, t'es un peu curieux, tu dis c'est un peu bizarre, ouais, ce comportement, surtout que à ce moment-là, j'ai que 9 ans, quoi, donc je me dis, je vais regarder ce qui se passe, mais puis tu vois le jeu, tu dis putain, pour un jeu vidéo, c'est vachement beau en fait. Hein. Puis après, tu joues, et puis très vite, tu y deviens accro, et voilà, c'est. Honnêtement, je pense que j'ai de très rares souvenirs vraiment marquants de jeux d'arcade quand ils sont sortis. Le souvenir le plus vif, en tout cas, c'est Street Fighter 2 The World Warrior, ça c'est clair. Bah, moi, j'étais dans un village où il n'y avait pas énormément de joueurs d'arcade, mais on avait pas mal de bars. Et dans ces bars-là, il y avait les bornes, mais c'est les dernières bornes qui sortaient. Mais vraiment, et donc on n'était pas beaucoup à jouer. Mais le jeu est arrivé, comme tu l'as dit, super tôt en fait, hein, chez nous par rapport à ça. Ouais. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en fait, tu n'avais pas de... comment dire, d'espèce de flyer sur la borne pour expliquer en fait comment jouer au jeu, rien les questions, machin. Ce qui fait que t'avais des fois des, comment dire, des légendes urbaines sur comment tu devais faire un Shoryuken ou des trucs comme ça. Et de ce fait, il y a beaucoup de noobs qui jouaient des persos comme Honda ou Chun-Li ou Blanca parce que ben, il suffisait de bourmenter des boutons et tu pouvais faire un coup spécial. Et ouais, non, c'était. J'en garde vraiment un excellent souvenir. Et en fait, 90-95% dans ma mémoire, hein, des gens qui jouaient au jeu ne jouaient pas contre l'ordinateur. C'est-à-dire, c'est paradoxal, c'est-à-dire contre l'ordinateur, quand tu connais un peu le jeu, même en arcade, en difficulté, entre guillemets, normale, tu peux encore durer un petit peu de temps. Mais les gens voulaient vraiment se mettre sur la tronche virtuellement, l'un contre l'autre. Quoi. C'était... Et tu voyais des gens en fait, qui s'énervaient, qui donnaient des coups de pied dans la borne. Des fois, tu étais à côté, tu entendais boum. Un gros coup, tu te demandais ce qui se passait. En fait, oui, c'est le type qui est en train de perdre un round, alors il est énervé, il donne un coup de pompe. Voilà, c'était ah ouais, très nous, drôle. Nous, c'était pas ça. Autrement, on se faisait légèrement laver par l'ancien du bar. Mais juste, la petite anecdote, juste avant Street Fighter 2, on avait eu Pit Fighter. Je vous laisse imaginer à quel point on était heureux d'avoir Street Fighter 2. Ah, bien sûr. Et à quel point j'aime ce jeu. Ah, mais moi, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de joueur de jeux vidéo, très sincèrement. Moi aussi, ouais, et en arcade, ouais. Totalement. En arcade, ça va être J'ai joué très peu à Street Fighter 2, j'avais dû faire une ou deux parties, mais je l'ai vu aussi pareil très très tôt avant qu'il sorte sur Super NES. C'était dans le Mammouth Adax qui met dans le carrefour, il y a un bar au bout du truc et ils avaient une borne, une seule, et je m'étais approché. Le premier réflexe, c'est juste avant même de réclamer ne serait-ce qu'une pièce de 2 francs à ma mère pour jouer ou de 10 balles, quoi. C'était vraiment juste regarder le jeu et se dire. Mais juste waouh, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que je suis en train de regarder. C'est incroyable. C'est moi, graphiquement, c'était ouf, quoi. Un autre parallèle, c'est qu'il me semble que c'était au tout début, en fait, où Dragon Ball était distribué en France, en fait, où tu voyais les animés Dragon Ball. Et de voir, en fait, quand je regardais la démo du jeu, voir Ryu faire un Hadoken, tu disais, putain, mais c'est Sangoku qui fait un Kamehameha, quoi. Ah oui, on y a tous pensé. Ah, mais carrément. Et donc du coup inconsciemment je pense que c'est un truc qui a dû aussi aider en fait le jeu en fait à se populariser. Et moi j'ai vraiment commencé à y jouer à fond quand j'ai pu avoir une Super Nintendo en fait. Un soir mon père rentre du boulot, il y a demain on va à Cora, on achète tu vas l'avoir ta Super Nintendo. Mais moi faut pas me dire ça un mardi soir parce que c'est pas possible. Du coup, au bout d'une demi-heure, il fait vas-y, monte dans la voiture, tu me fais chier. donc, de là, direction Cora. Il me fait tu es laquelle ? Je m'en fous de comment dire, s'il y a 2 manettes ou pas, je m'en fous. Street Fighter 2. Donc, j'ai eu le pack Street Fighter 2 Turbo. L'un des rares trucs que j'ai gardé de mon enfance, je pense que c'est de mon inconscient qui a dû faire en sorte que j'ai gardé. J'ai la boîte de ma console en fait, que j'avais retrouvée dans le grenier il y a quelques années. Et je sais que c'est un jour que je revends toute ma collègue, je revends tout sauf ça, parce que c'est voilà, c'est mes meilleurs souvenirs de tous les temps avec voilà. Moi, c'est ce jeu qui m'a fait vouloir une Super Nintendo, absolument. Je voulais carrément. Pour Street 2, hein, c'est parce que c'est Street 2, quoi. Et moi qui étais un joueur Sega, Arcanum. J'avais une Mega Drive japonaise achetée d'occasion qui a fini par rendre l'âme. Et j'avais racheté, sur le coup, une Mega Drive 2. Et j'avais pris le pack avec Street Fighter 2. Et comme tu dis, bah, parmi les souvenirs, j'ai encore le poster qu'il y avait dedans. Le poster, ah. Je l'ai encore. J'ai tout le reste, je ne l'ai plus, mais le poster, je l'ai gardé. Et je jouais à Street Fighter 2 en prime, sur le coup, Street Fighter 2 Dash Plus en Mega Drive. Moi, sur. Bon, alors du coup, c'était pas en 4 ans, je crois pas, mais le premier jeu que j'ai eu sur Super NES, c'était Street Fighter 2. Donc, c'est raccord. Avec Mario All-Stars. Mais... Et d'ailleurs, c'est rigolo, quand j'ai recommencé à collectionner, en fait, j'ai acheté une Super Nintendo. Le seul jeu qui m'intéressait, c'était vraiment Street Fighter 2. Voilà, c'est pour dire à quel point je pense que c'est un gros jeu, quoi. Ouais, moi, je me souviens avoir beaucoup joué. Alors moi, j'avais pas de frère ni rien, donc j'y jouais souvent seul sur Super NES. Mais par contre, quand il y avait les cousins et tout, on se mettait sur la gueule. Alors je me faisais victimiser, hein, parce que j'ai jamais été très fort au jeu de baston, mais je m'amusais quand même, quoi. Et pour dire aussi, l'un des autres souvenirs que j'ai par contre avec la version Super Nintendo, c'est que j'avais eu un guide dans un truc genre Console Plus ou un Player One. Ou un je crois que c'est Player One, c'était Chris Fighter. Player One, oui. Voilà. Oui. Et il y avait un guide en fait avec les coups spéciaux, machin. Et je me souviens en fait un soir avoir développé une ampoule à mon pouce, mais une cloque au pouce, mais incroyable, à force en fait d'avoir enfin trouvé comment on faisait les shoryuken et d'avoir essayé genre pendant une heure de le faire de façon consistante. Mais tu te rends compte que c'est quand même le premier guide qui te disait de faire des cross-up dans un jeu vidéo. Oui, non, mais voilà, c'est incroyable. Pour l'époque, hein. Ouais. Maintenant, c'est un truc d'acquis pour tous les joueurs de jeux de combat, mais à l'époque, c'était invraisemblable. Je me souviens d'ailleurs de mon excuse de sac préférée sur ce jeu-là. C'était pas une excuse de sac, c'était plutôt quand j'arrêtais pas de me plaindre parce que je disais, mais arrête de faire tout le temps la même technique. Arrête de spammer les boules. Moi, je me jetais dedans et j'ai mis des années à comprendre, à me dire, mais. C'est que pas, la garde c'est derrière. Mais non, mais je me, à me dire, mais c'est pas. C'est, lui, c'est normal qu'il refasse vu que ça marche. C'est à moi de trouver la parade. Oui. C'est là où tu vois que 30 ans plus tard, il y a des choses qui changent jamais. J'avais un pote qui jouait toujours de la même manière. Il prenait Chun-Li, qui était donc le personnage le plus rapide. Il se mettait en garde basse et il attendait. Ouais, bah, c'est ça. Et dès que tu tapais dans la garde basse, pouf, un contre. Et à coup de petits coups comme ça, il te ruinait toutes les parties. Et jusqu'à ce que tu comprennes comment faire pour baiser. Ouais. Mais c'était infernal. En vrai. Tu dis, mais fais quelque chose. Non, c'est bon, j'attends. Ah, mais c'est la découverte du jeu de combat. Merci je joue la gagne. C'est ça. L'important, c'est qu'à la fin, j'ai tout mettre toute ma vie et pas toi. Voilà. Non, mais vous savez qu'on peut dire que 91 a déjà tué le game de toutes les autres années. Ah, mais carrément. Oui. Ah, bah oui. Ouais, Street Fighter 2, c'est... Ouais. Voilà. On va faire une petite parenthèse hors du jeu vidéo, tiens. Et on va s'amuser à regarder le top 10 des films, c'est-à-dire les films qui ont fait le plus d'entrées, qui ont engrangé le plus de pognon en 1991. Les pognons. On va faire reverse order pour rigoler. En dixième, on avait un film qui s'appelait La vie, l'amour, les vaches. City Slickers. C'est un film de Max Pécresse. Ah, alors ça me rassure, je suis pas le seul à être passé complètement à côté. Ah ouais, je connais pas du tout. Non, mais surtout en 91, à l'âge qu'on avait, ce genre de film, c'est pas le genre de truc. Ah bah voilà. Moi, il y a des films de 91, je peux vous dire, je les connais presque par cœur, hein, mais c'est, pas celui-là. C'est un film avec Billy Crystal, c'est une comédie. Ce qui est génial, c'est qu'il s'appelle donc City Slickers en VO, La vie, l'amour, les vaches en français et Les apprentis cowboys en québécois. Et j'avoue que ça ne m'a totalement pas marqué, donc on va passer au deuxième. Moi non plus, je connais pas le film. En neuvième, on retrouve un certain film appelé Hot Shots. Ah. Pardon, c'est un réflexe. Ah putain. Alors, Hot Shots. Alors, moi, perso, c'est pas l'humour que je kiffe le plus, on va dire. Mais... Ah ouais, j'ai adoré. Ouais. C'est l'humour des As, donc moi, je suis totalement fan. Abraham, c'est Zucker, moi. Avec cette façon de faire cuire un œuf sur le plat... C'est là qu'on a découvert que Charlie Sheen pouvait être très très drôle. Ah putain. Mais c'est vrai que le film est quand même devenu culte. Il aura une suite qui est aussi bien, voire mieux. Là où ça devient rigolo, c'est que par contre j'ai jamais vu Top Gun. Voilà, c'était une parodie de Top Gun au départ. Et du coup, je me marre. Mais ça se trouve, je me serais encore plus marré si j'avais vu les références à la base. J'ai découvert Top Gun après. Ouais, bah... Je regarde Top Gun peut-être un jour, d'ailleurs, mais... mais c'est un film, notamment, qui ose dépeindre à l'époque Saddam Hussein. Hein. Oui. Ouais, non, mais d'une manière totalement invraisemblable. Hein, c'est... Ouais. Oh, Seigneur. Ouais. Un film qui ose tout. Oui. Et... En huitième position, on trouve un film que j'aime énormément, Cape Fear, Les nerfs à vif, qui est donc le remake, hein, déjà, d'un vieux film. Oui. C'est comme Karamazov les frères, en fait. Il n'y a rien à voir avec la série Art les cœurs à vif, hein, rassure-moi. Non, rien à voir. Donc, je suis désolé de sortir des références comme ça. C'est le remake d'un film de 1962. Cape Fear, alors c'est pas compliqué, on retrouve... C'est quoi, c'est Robert Mitchum, donc Martin Scorsese à la réalisation. Attends, c'est quoi, c'est De Niro? Il me semble, non, c'est... Et dans le remake, c'est De Niro contre Nick Nolte. Mm. Nick Nolte qui est vraiment ce genre d'acteur totalement underrated que j'aime beaucoup. Ah, c'est un tueur, Nick. Voilà. Et, mais qui, voilà, en temps en temps, c'est un petit peu oublié. C'est... voilà, enfin, en termes d'ambiance, en termes de qualité de jeu de tout, c'est un film qui vaut encore tout à fait le détour aujourd'hui et qui se tient tout à fait, qui est tout à fait agréable à regarder. Ouais. Et moi, je sais pas si vous avez aimé, si vous... c'est un film qui vous a marqué, Les nerfs à vif, mais moi, perso, pas vu. Beaucoup. Moi, ça m'a marqué. Mais moi, j'aime beaucoup. Pas si vous m'entendez, du coup. Si on t'entend. Oui, on t'entend, bien sûr, c'est pour ça qu'on parlait pas. Moi, j'aime surtout les tatouages. J'ai adoré ce film-là. Il m'avait marqué parce qu'il était extrêmement violent, en fait. C'est bien dans ce film-là, Beyond, avec la nana qui se fait arracher la joue par De Niro, là, dans le lit. Oui. Voilà. En le mordant. Oui, voilà, tu spoil, mais oui. Et donc, oui, pour renseignement, le film a été interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie en salle, puis au moins de 16 ans lorsqu'il a été diffusé à la télé. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a quelqu'un qui a les filles qui sont touchées, ils se sont dit, peut-être que moins de 12 ans, c'est peut-être un petit peu léger. Bon, ouais. Mais les gens doivent le connaître juste pour une image, les tatouages Love and Hate sur les doigts de... Oui. C'est dans ce film-là. Ah, c'est celui-là. C'est, voilà, ah, bah, c'est l'image. C'est l'image. C'est ça, d'accord. C'est okay, l'image iconique. Ça c'est le film d'origine, Max Cady, ouais. Non, c'est aussi dans le remake. C'est dans le remake. Oui, mais moi je le connais parce que c'est en noir et blanc, moi, ce tatouage-là que je connais, donc c'était dans... Ça vient de ce film. Oui, d'accord. Ok. Voilà, donc il prouve que déjà en 91, on faisait des remakes de films, et des remakes de bonne qualité, des remakes qui sont pertinents et qui sont bien faits, voilà. Ensuite, en 7e position, un film un petit peu plus léger, La famille Adams. Ah ouais, effectivement, putain, ouais. Excellent. Un chef-d'œuvre. Excellent. Excellent. Le film qui, on va dire la phrase bateau, mais qui est toujours vrai, le regretter. Raoul Julia, ouais. Qui évidemment fait des merveilles. C'est donc Barry Sonnenfeld qui réalise. Qui est donc son premier film au cinéma, voilà, avant d'avoir donc le Fédéral de Fanny Adams, Men in Black, Wild Wild West, tout ça, c'est lui. Tout Wild Wild West, que j'ai vu au cinéma. D'accord. Et moi, ça fait partie, des films que j'adorais dans ma jeunesse, que j'ai vu déjà plein de fois. Moi aussi, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est vraiment un film fort. Et j'aime moins sa suite, hein. Je trouve un peu plus fouillis. Mais dans la suite, t'as la scène de théâtre avec les Indiens et le feu. Oui, c'est vrai. Voilà. Et rien que pour ça, le film est sensationnel. Donc, Famille Adams, valeur sûre, très très bon. Oui, voilà, encore aujourd'hui, pareil, c'est très agréable à regarder, même avec les enfants, c'est cool. Ouais, on l'a regardé il y a quelques mois, nous, avec Aléa, et ça passe bien, c'est vraiment... Oui, c'est... Et Angelica Houston en Morticia. Ah non, mais Morticia, putain. Exceptionnel. Je me disais s'ils refaisaient. Alors, ils ont fait un film d'animation là récemment que j'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut, mais je me disais s'ils refaisaient en film en Morticia, moi j'aurais bien vu Eva Green. Oui, moi je signe tout de suite, je dis. Voilà. Et pour le dessin animé en 3D qu'ils ont fait là, Famille Adams, donc dans les voix, on a Kev Adams. Ah ce non, n'est pas une alors... blague, ils ont vraiment fait. Ah. Ça, ils contre... ont joué sur le fait que s'il s'appelait Adams. Donc... Par contre, genre, la version originale, dans les voix, il y a Charlize Theron, il y a des vrais acteurs. Oui, sauf pas chez nous. Mais en France, ouais. En France, ils sont... Enfin, les doublages, je sais pas pourquoi, t'as des castings de ouf dans des films d'animation aux États-Unis, et en France, t'as des footballeurs, des... À la limite, Kev Adams, s'il reste acteur un peu quand même. Donc, oui, voilà, tu as quand même un lien. Le doublage, c'est pas considéré comme un véritable métier en France. Ouais, et c'est bien dommage, parce que du coup, on y perd. Il y a quand même... Alors, ah oui, le casting de la famille Adams, le film d'animation, le cousin machin, vous savez c'est qui le fait ? Qu'un personnage incroyable. Hein. C'est un personnage incroyable, le cousin machin. C'est Snoop Dogg. Billy Mitchell. Snoop Dogg. Faut que je le voie. Remarque quand il est raide défoncé. Mais... Ouais, c'est possible. Hein. Bon, bref, voilà. Okay. Mais le film de 91, allez-y. Hein. C'est génial. Ouais, bah, Christina Ricci, Christopher Lloyd, le casting, il est formidable. En sixième position. Un film d'un réalisateur qui en sortira deux cette année-là, et c'est le second qui marchera le mieux, donc c'est certain JFK d'Oliver Stone. Ah ouais, effectivement. Oliver Stone, moi, qui me fera forte impression quelques années plus tard, avec notamment Tueur Né, sa version sous acide du script de Tarantino que même Tarantino reniera. Bah, putain. Voilà. Ou avec le fameux U-Turn que j'avais vu au cinéma, que j'avais beaucoup aimé. Avec Jennifer Lopez, non ? Oui. Je m'en rappelle. Très, très part... Après, voilà, Oliver Stone, c'est un réalisateur qui met le paquet, on va dire, pour faire réagir les gens. L'autre film qu'il a sorti cette année-là, c'est The Doors. L'histoire, ah oui, effectivement, oui. Ouais. Et par contre, JFK, je ne l'ai jamais vu, donc je vais avoir beaucoup de mal à en parler. Bah, je l'ai vu et c'est même l'un des premiers films que j'ai vu en VO sous-titré, en cours d'anglais en quatrième. Je vous laisse imaginer comment ça fait mal au cul. Oh la vache. Oui, oui, oui. Et comme le film dure 354 heures, ça a été étalé sur plusieurs séances. 354 heures, oui. Ah oui, il est très très long. Rien que ça. Non, mais très très bon film. C'est un romancé, bien évidemment, parce que... Oui, par rapport à l'histoire, mais très très intelligent. D'accord. On parlait pas encore de biopic à l'époque. Hein. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, voilà. En plus, pas du tout. C'est... Oui. Il y en avait beaucoup, hein, mine de rien. Il y en avait énormément, mais c'était pas une mode. Ouais. Ensuite, on remonte en cinquième position. Alors pareil, encore un film qui m'a beaucoup marqué. Et je pense que après Les Nerfs à Vif, on va commencer par retrouver un petit fil conducteur au film que j'aime bien. La fameuse adaptation du livre de Thomas Harris par Jonathan Demme. Le silence des agneaux. Avec Jodie Foster et Anthony Hopkins. Bien sûr, pas grand chose à dire. Lui, par contre, je ne l'ai pas vu en 91. Oui. Je l'ai vu un peu plus tard aussi. Parce qu'en 4 heures, je pense qu'on en serait mort. Donc, le Silence des Agneaux, on rappelle, c'est la suite d'un film qui s'appelle, d'un livre qui s'appelle Le Sixième Sens, qui a été adapté d'ailleurs deux fois au cinéma. La première adaptation de 1986. De Michael Mann, qui est exceptionnel. Qui est vraiment très bien, bien, même meilleur que la seconde adaptation, selon moi, mais qui est tombé complètement dans l'oubli, je ne sais pas pourquoi. Bah parce que les acteurs, les acteurs sont pas particulièrement connus. Comment il s'appelle ? T'as l'acteur qui joue dans Les Experts ? William Petersen. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'il est pas très connu alors que c'est un superbe acteur. C'est un très très bon acteur. Et le film, il est très glauque. Vachement. Après le Silence des Agneaux, il a tout. Il a déjà un matériau d'origine exceptionnel, le livre de Thomas Harris, si vous n'avez jamais lu le livre original. Voilà, il y avait déjà tout dedans et franchement, c'est assez exceptionnel. Et puis après, il y a la version complètement hallucinée, sublimée d'Anthony Hopkins dedans, qui fait même complètement oublier que bah, c'est même pas lui le tueur du film, en vrai. Bah, on sait très bien que les meilleurs films, c'est les films où il y a les meilleurs méchants. Oui. Et c'est pas censé être lui le méchant, c'est le fameux... Oui. Le fameux Buffalo Bill qu'on cherche. C'est oui. Lui, normalement, qu'on cherche. Oui, mais c'est... on s'en fout. Complètement occulté par ce personnage absolument génial. Et on a aussi une jeune Jodie Foster qui crève l'écran. C'est ça. Et qui joue vraiment très très... Non mais... Et donc sur le coup, voilà. Est-ce que vous croyez qu'elle les entend encore, les agneaux, Clarisse? J'espère pas pour elle, autrement il faut qu'elle aille se... Et bonne nuit Maurice, pardon j'ai... Ensuite, on va continuer à remonter en quatrième position. On va réveiller Moa avec un électrochoc. En quatrième position, on trouve un film de Steven Spielberg. J'écoute. Ah bah. Hook. Là, c'est. La revanche du Capitaine Crochet. Donc là, c'est vraiment un film de ma jeunesse. Là, j'ai pas. Alors, je l'ai pas vu en 91. Oui. Mais c'est vraiment un film que j'ai. Bah, c'est le film de divertissement pour gamins par excellence. Hein, je veux dire, Hook. Enfin, t'as. Putain, j'ai un trou de mémoire. C'est qui cet acteur? Robin Williams. Oui, oui, voilà, qui déjà, moi, quand j'étais gamin, il avait une tête que je trouvais, je sais pas, rassurante. J'en sais rien, j'aimais bien. Ah, je suis d'accord avec toi sur la tête rassurante. Ah ouais. C'était un bonhomme, j'aimais bien. Donc je regardais les films qu'il faisait, voilà. Et oui, basé sur le livre de... le livre d'origine, il s'appelle... C'est pas Peter Pan? Si, c'est Peter Pan, je crois. Oui, bah oui. Il me semble. Hein. C'est ça le titre, je sais plus. Je pourrais pas dire, bah attends. Version qui a été vachement édulcorée dans le film hein, et dans le dessin animé de Disney aussi. Bah ouais, mais en même temps, il vaut mieux, non? Bah comme tous les... C'est Neverland, ouais, c'est ce qui me semblait, c'était pas Peter Pan le titre. Neverland. Et oui, parce que... Alors, c'est J.M. Barry. Parce que pour info, hein, Peter Pan, les enfants perdus, quand ils grandissent, ils les tuent. Hein, dans le bouquin de base. Voilà, c'est ça le plot du livre. Mais bon, comme tous les Disney, il faut un peu édulcorer. Et ouais donc, très sympathique. Je sais pas, je l'ai pas revu par contre. Je sais pas s'il a bien vieilli. Je l'ai jamais vu, je peux pas dire. Moi et mon assistante, on va pouvoir éclairer là-dessus, puisqu'on l'a revu il y a moins d'un mois avec notre fille. Ah. Et il se trouve que Hook fonctionne toujours très bien en termes de sentiments, même si c'est un peu pathos par moment, mais bon, c'est Spielberg en même temps, ça va. Voilà. Ouais. Le truc, c'est que moi j'ai eu la sensation que la deuxième partie du film était un peu bâclée par rapport à la première, que le film vraiment prend le temps de bien s'établir, de bien faire les choses au début, et on sent qu'à la fin c'est un peu plus rushé, un peu moins polish entre guillemets, et voilà, mais après ça reste agréable à regarder, ça fonctionne toujours bien dans la mesure où ça se passe dans un pays imaginaire. Voilà, il n'y a pas d'accroche dans le monde réel, donc sur le coup ça continue à fonctionner. Je me souviens encore par exemple la scène de la bataille de bouffe, tu vois, oui, ouais, ça marchait, moi j'étais dedans hein. Donc on va dire c'est pas le meilleur Spielberg forcément, mais c'est un film que je sais pas, parce que j'entends souvent du genre dire du mal ou pas l'aimer, je comprends pas trop pourquoi. Je trouve toujours sympa. Puis voilà, il y a Julia Roberts, Dustin Hoffman. Oui, il y a Dustin Hoffman en Captain Crochet aussi. Enfin, il y a une bonne distribution. Julia Roberts, elle joue quel rôle? La fée. La fée, ah, voilà. Clochette. C'est magnifique. Ah bah attends. Eh. Voilà. Et donc, sur quoi, en troisième position, on va en trouver un autre divertissement. Un Disney sorti cette année-là, La Belle et la Bête. Donc La Belle et la Bête, qu'est-ce que c'est? Déjà, La Belle et la Bête, c'est le premier dessin animé de ce qu'on appelle le second âge d'or de Disney. Amorcé l'année précédente avec La Petite Sirène, qui laissait présager du meilleur. On va rentrer donc dans le fameux second âge d'or de Disney avec la fameuse trilogie La Belle et la Bête, Aladdin et le Roi Lion. Aladdin. Rien que ça. Ouais. Et donc, sur le coup, La Belle... Alors moi, j'avoue que La Belle et la Bête, je suis passé à côté à l'époque, en mode, je vais te dire, ça va faire mal à 2020, mais c'est comme ça. Oh, c'est un dessin animé pour les filles. Oui. Voilà. Moi, je dis rien parce que, pareil, quand on m'avait de proposé... De quoi, c'est quoi ta fille, Billon ? J'ai pas entendu. C'est un dessin animé pour les filles. Moi, à l'époque, c'est un dessin animé pour les filles. Il fallait pas regarder ça. Putain, merde. Et je suis allé le voir deux fois à sa sortie. Bah, en fait, moi, j'en avais rien à carrer parce que j'adorais la petite sirène déjà de base, donc... Mais en fait, c'est que moi, je suis vraiment passé à côté. Pour le coup... Moi, j'ai adoré. Mes parents, ils m'auraient pas amené voir La Belle et la Bête. Par contre, l'année suivante, moi et mon frère, on était voir Aladdin. Il n'y a pas de problème. Ça, c'était un truc pour garçon, tu vois. Alors que, bah, en vrai, La Belle et la Bête, il est plutôt pas mal. Mais alors, pour 91, la claque, la démonstration technique que c'était, ce film, c'était assez vrai. Impressionnant. Oui, et il y avait une vraie magie, tu sais, l'histoire de la bête et tout. Moi, ça m'a vraiment pris, hein. Et puis Gaston, l'ordure infinie, quoi. Je veux dire, ça m'a vraiment plu, quoi. Déjà, il s'appelle Gaston. Et il faut savoir que j'ai vu ce film après, et c'est là où les gens de Disney et de Square Enix sont des... Enfin, sont des machins, j'ai spoilé, hein, mais après avoir joué à Kingdom Hearts, je me suis dit, mais merde, je l'ai pas vu ce film, faut que je le regarde. C'est ça qui t'a donné envie de regarder le film ? Bah non, c'est pas ça. Enfin, si, bah si, un peu, tu sais, je me dis, mais merde, mais La Belle et la Bête, je l'ai pas vu en fait, tu vois, faut que je le regarde. Non, mais c'est cool, c'est cool. Et ça peut sur pas mal le film. Et du coup, ben, je l'ai vu après et je me suis rendu compte que bah, c'était vraiment bien et qu'il y avait une. Il y avait, mine de rien, une assez bonne réflexion aussi. Voilà, la bête, c'est pas. Bah... Bon, c'est basique, hein, mais quand t'es un gamin et que tu vois un film comme ça, tu vois, tu te dis, ah ouais, la bête, en fait, elle est pas méchante. Après, la bête ne fait pas moine. Mais... pas vocation à être super. Voilà. On note, cela dit, quand même, bon, parce que c'est un petit peu. Ça arrive souvent dans des dessins animés Disney, on a tendance à l'oublier. La mort de Gaston, qui est quand même extrêmement violente et brutale. Oui. Qui est assez. Ouais, aujourd'hui, tu ferais. Ah oui. Ah, ouais. Ah bah là Disney ils font plus ça maintenant. Ouais, ouais. Hein. Mais même le passage de la mort de la bête, c'est émouvant quand même. Oui, tu dis, enfin, évidemment, on connaît la fin, quoi. Et, voilà. Et l'autre bah fait non, notable, vous m'avez spoilé, moi j'ai pas vu. L'autre fait notable, c'est l'utilisation donc de décors pré-rendus en 3D durant la scène du bal. Ah oui. Voilà, ouais. Qui, quand même, laisse présager de ce qu'on verra plus tard avec Aladdin et le Roi Lion, surtout. Bah, voilà, c'est ça. La scène du bal, c'est cette scène-là, elle est incroyable techniquement. Et oui, tu, on parle d'Aladdin après, mais c'est moi, en fait, je l'ai appris il y a quoi ? Il y a 3 ans que le tapis volant, oui. Il était en 3D. J'avais jamais fait gaffe. Donc c'est à quel point ils maîtrisaient leur truc, quoi, Disney, déjà à l'époque. Bah ouais, et surtout pour que tu t'en aperçoives pas. Bah oui, c'est ça qui est fabuleux. C'est ça ? Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris ce que mon assistante essaie de me dire avec des gestes plutôt que de baisser son micro et de parler. Tu veux parler de Miss Samovar, c'est ça ? Oui, de ce qui s'est passé avec Lucie Dolène, c'est ça ? Oui, donc. Alors. L'affaire de La Belle et la Bête, on peut en parler rapidement parce que c'est quand même un super scandale et la preuve que Nintendo, que Disney traite ses doubleurs comme de la merde. Donc, Lucie Dolène, qui était quand même connue pour être la doubleuse de la seconde version de Blanche-Neige et Sept Nains, qui est pareil, la plus connue et la plus entendue en tout cas, a été choisie pour doubler Miss Samovar et chanter durant La Belle et la Bête, c'est la fête. Voilà, c'est ça, j'ai bon ? Oui, oui. C'est pas C'est la fête qu'elle chante ? Comment s'appelle la chanson ? C'est la fête, mais bon, c'est pas la fête. Merci. Et donc, il faut savoir que Disney s'est mis à éditer à la fin des années 90 en VHS et en Laserdisc, donc tous leurs grands classiques. Et il se trouve que Lucie Dolène est la première à avoir dit à l'époque, et la seule, « Attendez, vous êtes en train d'utiliser ma voix, de vous faire de l'argent, mais par contre, moi, j'ai jamais dit que vous aviez le droit d'utiliser mon travail sans me rémunérer. » Disney, ils ont fait quoi ? Ils ont dit « T'es pas contente ? Très bien, on redouble le dessin animé, et à partir de maintenant, toutes les éditions contiendront une autre voix que la tienne. » Donc, sur le coup... Il n'existe aucune version, ni en DVD, ni en Blu-ray, de la Belle et la Bête, telle que les gens l'ont entendue au cinéma, à l'époque, en 91, avec la voix de Lucie Dolène. Pour ça, il faut soit acheter la VHS, soit trouver le Laserdisc. Voilà. Et si, par contre, si vous achetez le Laserdisc et la VHS, là, vous allez perdre autre chose, à savoir que, alors, genre dans les termes techniques, le film était diffusé à l'époque au cinéma en format 1,66, il a été recadré en 4 tiers pour le Laserdisc et la VHS. Et il a ensuite été recadré manuellement en 16 neuvième pour le DVD et l'édition Blu-ray. Donc, voir La Belle et la Bête, petit 1, tel qu'il a été projeté au cinéma, petit 2, l'entendre tel qu'il a été projeté au cinéma, bah c'est tout simplement plus du tout possible aujourd'hui. Voilà. Je suis désolé. Merci, Monsieur Billon. Voilà. Mais on peut toujours entendre la voix du Sidolène sur le Laserdisc qu'on a encore. C'est la plus belle chanson, c'est la plus belle voix. Non, voilà, c'était la petite anecdote Disney. Ça. Mais voilà, d'après des anecdotes de doublage Disney, il y en aura d'autres. On aura l'occasion d'en parler d'autres fois. Ensuite, on va. Ah, tiens, on va parler du. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire sur La Belle et la Bête. Mais on va pouvoir passer au second film de l'année. On va pouvoir chanter. Look into my eyes and you'll see what you mean. On même pas. Ben oui, évidemment. Robin des Bois, Prince des Voleurs. Ah là là là. On reconnaît mais même c'est pas. une excellente version. J'adore le film. Pour moi, en tout cas. Tu parlais de. Non, mais Pelle, tu dis excellente version, tu dis quoi, la chanson de Beyond ou le film? Bah, vous avez reconnu, c'était pas mal. La chanson de Bryan Adams. Mais non, j'ai pas reconnu, moi. C'était effectivement Zouk Machine. Je fais mal l'accent canadien. Bah, c'est ça. C'est parce qu'il faut chanter avec la voix cassée un peu, Beyond aussi. Mais moi, c'est. Le premier film avec Kevin Costner que j'ai vu déjà. T'as de la chance, c'est pas Waterworld. Ouais. Ouais. Premier film aussi forcément avec Alan Rickman et plus rare, Fabula, premier film avec Morgan Freeman que j'ai vu. Alors qu'il avait pourtant, déjà fait 255 films. Alors que oui, c'est ce que j'allais dire. Qui était déjà vieux à l'époque. Et j'en garde un très bon souvenir. Et très surprenant aussi, ce qui m'avait surpris moi, c'était que le film, mais il me paraissait long. Et en fait, bah ouais, je crois qu'il fait plus de 2h30 le truc. Il y a deux versions, une version cinéma qui dure 143 minutes, une version longue qui dure 155 minutes. Je l'ai vu à la télé, alors je sais pas, c'était peut-être un mix des deux, j'en sais rien, mais le film est long. Bah 143 minutes, c'est déjà pas. Bah oui. 143 minutes, ça. Et surtout quand t'es petit, quoi. T'as 11-12 ans, 143 minutes. Mais il est vraiment très très bien, hein. C'est vraiment un super Robin des Bois, en vrai, hein, ce film-là. Alors, moi, je connais même pas le nom du réalisateur, mais Kevin Reynolds, bah, c'est celui qui fera Waterworld. Bah oui, ouais, c'est pas de bon. Non, mais je veux dire le shérif de Alan Rickman, shérif de Nottingham, il a un jeu d'acteur incroyablement drôle. Il est très drôle ce film. Oui, en plus, oui. Hein, il y a beaucoup d'humour. Hein, oui, oui. Moi, il me faisait marrer à chaque fois qu'il apparaissait. Kevin Costner est super crédible. La Marianne, tu sais, Marie-Elisabeth Mastrantonio. Bah, c'était ma waifu hein, de l'époque, hein, je vous dis carrément. Ah, c'est elle. Eva. Ah oui, non, mais moi j'ai adoré. Robin des Bois, j'ai adoré. Ouais. Petite trivia sur le film, une partie a été filmée à Carcassonne en France. Non, je sais pas. Et Sean Connery fait un caméo dans le rôle de Richard Cœur de Lion. Bah oui, en Richard Cœur de Lion. Voilà, c'est ça. Richard III. Richard Ier, je veux dire. Voilà. Donc, moi, je l'ai vu à l'époque. J'avoue que je ne l'ai jamais revu depuis. C'est comme Danse avec les loups. Je l'ai vu à l'époque. Mais depuis, plus jamais. Ouais, je crois que je ne l'ai pas revu non plus. Alors, moi, je. Oui, vas-y. Ça coupe. Alors, je ne sais pas quand je coupe, en fait, quand je prends la parole. Non, c'est bon, tu peux aller. Je disais que je ne l'avais pas revu depuis. Ah, d'accord. Ok, bah moi, je l'ai revu. Dès qu'il repasse à la télé, je le regarde. Hein. Mais vraiment, hein, c'est un plaisir. C'est des films comme ça, tu regardes 50 fois, ça gêne pas, et bah, il en fait partie. Vraiment, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bien fait, bien raconté. Je disais beaucoup d'humour, oui. Et un super jeu d'acteur, en fait. Vraiment très bien. Et puis la chanson de Kevin Adams. La chanson, forcément. Brian Adams. Qui a participé au succès du film, c'est clair. J'adore ce chanson. Le début, c'est dans les guerres de croisade avec Morgan Freeman et tout. C'est vraiment bien foutu hein, quand même. Il est génial ce personnage-là. Et tu te dis qu'après, attends. Ah, au cinéma. Arrêtez de parler de Waterworld. Arrêtez de parler. Everything I do. Non, ça c'était la version d'Arnaud, ça s'appelle. No, it's true. Oui, c'est la version d'Arnaud, c'est ça, exactement. Ça, c'est la version. J'ai bu trop de rhum et j'ai fumé 35 paquets de gitan de maïs avant. Bah oui, bah il est trop fumé. Bon, passons à la première place. Et donc, la première place, ouais, c'est encore un film qui m'a énormément marqué, que j'ai vu au cinéma quand il est sorti, même si je n'avais pas l'âge de le voir parce qu'il était interdit au moins de 12 ans. C'est le film, lorsqu'il est sorti, le plus cher de l'histoire du cinéma. Alors, spoiler, c'est un film qui a défini mon enfance, alors que j'aurais pas dû le voir non plus si tôt, je pense. Je le sais, mon curé chez les nudistes. Alors, je pensais que le budget était si conséquent. Il fallait payer Paul Prévost, ou un truc horrible. Non, le fameux film de James Cameron, Terminator 2, le Jugement dernier. Ah, c'est le film que même si tu regardes maintenant, il a toujours pas vieilli et il met des gifles à peu près tout ce qui se fait actuellement en termes d'effets spéciaux. Encore maintenant. Oui. Parce que c'était l'époque où, paradoxalement, vu qu'on n'avait pas les moyens ni les possibilités de truquer tous les plans, quand on en faisait peu et on les faisait bien. C'est et sur ça. Le coup, ça passe. Genre, on est ancré dans le réel, et puis à un moment, il y a Robert Patry qui passe au travers de la grille de la prison, et là on fait « Ah !» Et là on fait « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Qu'est-ce qui se passe ? Dans quelle dimension on est ? J'étais, mais c'était fou, enfin... Tout est marquant dans ce jeu, dans ce film, même de la façon dont Arnold Schwarzenegger apparaît dans le monde, dans notre époque, avec l'arrivée dans le bar où il se fait prendre à part par les bikers, il y en a qui finit notamment sur les plaques de cuisson. Là, c'est ce qui se passe. Voilà. Non, mais moi, ce film, enfin, en termes de film d'action, tu vois, après, quand je l'ai vu, je n'ai peut-être vu d'autres avant des films d'action, mais j'ai vu ce film-là, et après, ils passaient tous à la moulinette Terminator 2, c'est-à-dire, non, mais en fait, non, Terminator 2 était mieux, non, mais en fait, enfin, c'est pas possible. La tension du film, Robert Patrick, il est incroyable, en fait, alors que, justement, il n'a pas d'émotion dans le truc, mais c'est ça qui le rend... incroyable. Oui, c'est un robot. Mais c'est ce qu'avait fait Schwarzenegger dans le premier. Dans le 2 aussi, il le fait, hein, d'ailleurs, Schwarzenegger. Mais je trouve le 2, on ressent des trucs quand même. Je ouais, mais c'est le personnage. Quoi. Mais c'est parce que c'est le personnage un petit peu qui évolue. C'est aussi une des thématiques du truc. Mais vraiment cette pression qu'il met quand il est à l'écran, et puis le fait, en plus, tu sais qu'il peut se liquéfier et tout. Tu te dis, mais il peut sortir de n'importe où. Enfin. Et surtout qu'il peut prendre l'apparence de n'importe qui. Et la scène justement où t'as John Connor qui fuit le Terminator, hein, on sait pas qui est gentil, et où il croise le flic. C'est magnifique cette scène. Hein. Avec... En plus, le film, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ah ouais, avec ce ralenti. La scène où ils sont sur la petite moto, où il le suit en camion. Ça c'est plus tard dans la scène, mais c'est vraiment quand ils se rencontrent tous les deux dans le couloir et que t'as le Terminator qui commence à sortir le fusil à pompe. Vous en parlez, j'ai des frissons. Là. Ah ouais, moi c'est hallucinant. Soit dit en passant, c'est le moment où donc John Connor se barre de chez lui avec son pote, avec sa boombox sur l'épaule, et il va à la salle d'arcade jouer. C'est un film qui est tellement ancré dans les 90s. Ah oui, on est dans les années 90 à fond. On entend jouer à fond. Il va t'y piquer des dabs, oublie pas. Il va t'y piquer des dabs. Avec un Atari en plus. Avec un Terminator Atari. Lorsque la scène commence, lorsque la moto démarre, c'est la chanson You Could Be Mine des Guns N' Roses. Voilà. Et là, t'es dans les 90s. Là, oui, c'est un film de son époque, mais qui ne suit pas le poids des années. Et enfin voilà. Et ils ont essayé d'en faire des suites et ils n'ont jamais réussi à. Pour moi, j'ai bien aimé Renaissance, mais qui part dans un délire totalement autre. Renaissance, c'est pas mauvais. Et je peux le dire parce que je me suis retapé l'intégralité des films. Là, le dessin animé, tu parles là. Non. Le film Terminator. Avec Batman. Avec Bale. Terminator Renaissance. Ouais. D'accord. Et je trouve vraiment pas Sam Worthington. Mais ouais. Mais sinon, le 2, ouais, le ouais, j'ai jamais égalé, je trouve, hein, dans les Terminators. Hein. Moi, j'y suis allé donc, à l'époque au cinéma avec mon voisin, qui avait 2 ans de plus que moi, donc lui, il avait l'âge. Donc, en fait, ils ne se sont pas posé la question. J'avais qu'un an de moins en même temps. Tu n'es pas vu au cinéma 2, non plus. Hein. C'est le premier, la première VHS que j'ai acheté, le premier film que j'ai voulu acheter en VHS dès qu'il est sorti parce que je voulais le revoir. Moi, je l'ai vu en VHS. Ouais, ouais. Quand mais il est sorti en VHS, je ne l'ai pas vu au ciné. J'ai vu à la télé, moi. Hein, voilà. Mais la scène de l'explosion nucléaire aussi, enfin, t'as plein de plans. Oui, quand elle est accrochée au grillage. Voilà, et puis bon, bah voilà. Oui. Non, mais après, le film, on peut en parler. Ouais. Et puis ce fameux truc qui a été repris par tout le monde, là, le petit pouce en l'air. Moi, j'ai chialé à la fin du film, laisse tomber. Hein. Cameron est un visionnaire. Déjà, rien que le premier Terminator, déjà. Mais alors, tu vois, justement, le premier était vachement plus anxiogène, plus sombre. Il était plus noir, le soir était beaucoup plus... Ça faisait vraiment plus presque film d'auteur, sans que ce soit péjoratif ou négatif. Et ça fait le même rapport que Mad Max 1 et 2, en fait. C'était vachement moins blockbuster. C'était un film d'auteur, parce que tu vois le budget qu'il avait pour... Mad Max 1 fait aussi film d'auteur, et le 2 devient carrément grand spectacle, tu vois. Et ben là, ça fait un peu pareil, quoi. Le 2, il a revu son film, comme Sam Raimi avait fait pour Evil Dead 2. C'est le premier... Oui. Mieux et différent, tandis que là... Voilà. Sachant que le premier Terminator date de 1984. Là, on est en 91. On est quand même 7 ans plus tard. Oui, voilà. C'est à l'époque. Là, Cameron, il est pas fou. Hein. On lui a dit, prends tout le pognon que tu veux. Il a dit, OK. Bah, d'accord. De toute façon, à l'époque... mais tu soulèves le truc. C'est qu'à l'époque, ça faisait partie de la promotion. Je me rappelle, c'était présenté comme le film le plus cher de l'histoire. Hein. C'était comme ça, hein. Voilà. Oui, mais en plus, il me semble qu'il sortait d'Abyss qui n'avait pas super bien marché. Oui, c'est possible. Là, il sortait d'Abyss qui n'avait pas super bien marché. Et que ce film, ça a été la renaissance pour lui, parce qu'il était... Et les gens voulaient lui tomber dessus. Hein. Au passage, hein, pour vous dire à quel point le film a marqué, regardez, j'ai mis l'écran, mon waiting screen que j'ai fait moi-même. Ah, alors, c'est toi, ça. Alien et Aliens, Bigorneau, on va en reparler d'autres fois des films Aliens. Oui. Je trouve que quand même, en termes d'ambiance, le 2 et le 1 n'ont peu rien à voir. Parce que c'est pas la même chose, effectivement. Aliens, c'est un peu un shoot'em up, quoi. Ouais, mais il est quand même bien, en fait. Il est bien, mais il s'éloigne totalement de la vision. Ah bah oui. On peut parler d'Alien parce qu'à un moment je vais dire que j'aime le 4 et tous les gens vont être en place. Ah, pas moi. Moi je vais être derrière toi, mais c'est peut-être pas le moment d'en parler. J'aime bien le 4 aussi. Ouais. Et donc, oui, moi aussi j'aime bien le 4. Enfin, tout ça pour dire qu'en 91, les jeux vidéo ont été gâtés, mais les films c'était pas mal aussi. Hein. Ouais. Voilà, petite revue rapide avant de revenir aux jeux vidéo. Les films dont on n'a pas parlé, qui ne font pas partie du top 10, on a eu des choses très bien, comme donc, quand j'ai dit The Doors d'Oliver Stone, Nikita de Luc Besson. Ouais, Nikita, moi j'ai adoré. Ouais, coucou Che Kikario. On parlait de Nick Nolte dans les acteurs underrated, Che Kikario. Ah bah, Che Kikario, carrément. Voilà. Il y a eu le fabuleux Backdraft de Ron Howard, que j'aime énormément encore aujourd'hui. Génial. Si vous aimez les films de pompiers, c'est... Surtout avec une vision du feu et surtout les explosions, comme elles sont gérées sur ce film, c'est du grand art, surtout pour les... Il y a eu Double Impact. Il y a eu Double Impact avec Jean-Claude Van Damme, avec double dose de Van Damme. Alors, je voulais parler des films moins bons après, mais d'accord. Ah d'accord, donc Rocketeer, c'est pas maintenant, c'est ça? Non, j'étais parti sur Hudson Hawk. Gentleman Cambrioleur, qui est un film tout à fait sympa avec Bruce Willis, qui est aussi un petit peu oublié, mais qui se laisse regarder. Je crois que tu vas sortir Scott. Louis, tellement bien, avec le premier rôle de Brad Pitt. De Brad Pitt. Ouais. Il y a eu aussi cette même année Barton Fink, des frères Cohen. Qui est génial. Ah oui. Qui est vraiment super. Ouais. Et un film de Terry Gilliam mineur, mais que je conseille quand même, qui s'appelle The Fisher King. Voilà. Qui est sensationnel. Un des Gilliam les moins réputés, les moins connus, mais qui vaut tout à fait le détour des autres. Attends, et moi j'ai quelques avec Robin Williams notamment. J'ai quelques films de 91 aussi. Avec Jess Bridges et Robin Williams. Alors, vas-y, Buzz Dick, parce que je pense que Jungle Fever de Spike Lee. New Jack City de Mario Van Peebles que je surkiffe. Et surtout The Commitments d'Alan Parker. Un film qui parle de gens à Dublin qui vont faire un groupe de soul music. D'accord. Et Alan Parker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a expliqué à tout le monde ce qu'était une vengeance turque dans Midnight Express. Oui, Midnight Express. Moi, je le retiens surtout avec Angel Heart, moi, Alan Parker. Oui, et puis The Wall. Pink Floyd, voilà. Ouais. C'est tout pour moi. Mais rappelez-vous de la vengeance turque. Vengeance. Mais 1980, c'est aussi l'année des suites des films qu'on aime, avec notamment L'Histoire sans fin 2. Tortue Ninja 2. Pardon. Highlander 2. Ah là là. La meilleure suite de l'année. La meilleure suite de l'année, Retour au Lagon Bleu. Si vous l'avez jamais vu celui-là. C'est pas celui. C'est le premier, c'est pas avec comment elle s'appelle Brooke Shield. Il me semble. Jeanne d'Arc de Luc Besson. Là, c'est la suite de Jovovich. Mila Jovovich, je crois. Le Retour au Lagon Bleu est vraiment réputé comme un des. Pire film de cette année. Voilà. Et c'est bien Brooke Shields, oui, sur le premier. C'est Brooke Shields le premier, ouais, moi je me rappelle de ça. Et vous savez qu'on n'a pas parlé des films français. Si, Nikita. Ouais. Mais c'est tout. Bah, il y a Délicatessen. Qui date de 91. Eh oui. Ah, je l'ai loupé. Mais oui. Comment j'ai pu louper ce film? Délicatessen dans 91. Oui. Oui. Bon, après, on a quand même. Qui a déclenché mon amour pour Jean-Pierre Jeunet quand même. Cyrano de Bergerac aussi. Mmh. Oh là là. Quoique non, Bergerac c'est 90. Par contre, ouais. Van Gogh c'est 91. La Belle Noiseuse avec Emmanuel Berger c'est 91 aussi. Et je dis ça parce que j'aime beaucoup Emmanuel Berger. Donc 91 en termes de ciné, c'est. Ouais. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Après, on a eu, les films qu'on aime, Buzz Dick, le troisième épisode de Chucky et le sixième épisode de Freddy. Oui. Freddy 6, que je suis aussi allé voir au cinéma en cette année 91 et que je n'avais pas l'âge non plus pour le voir. Oui, effectivement. Avec des lunettes 3D anaglyphes pour les 10 dernières minutes du film. Moi, je l'ai vu peu de temps après sur Canal. J'avais pas non plus l'âge de le voir. Bon, c'est pas le meilleur Freddy. Hein. Voilà. Non, mais c'est un Freddy. Hein. Et pour terminer, enfin, je voulais terminer sur un film en particulier parce que. Parce qu'il faut en parler, parce qu'il deviendra très populaire dans les années à venir. Produit par James Cameron, qui décidément, il est partout. Un film qui parle de sport, avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Roadhouse ? Pardon. Mais non. Point Break, Extrême Limite. Ouais, Point Break, mais c'est le premier film de Keanu Reeves, non ? Il en avait déjà fait avant. Il avait fait Bill et Ted's Adventure. Ah ouais, ah merde. Bah, c'est le premier que j'ai vu de lui, en tout cas. Ouais. Alors, Point Break, moi, je ne comprendrai jamais parce que c'est un film où. En vrai, à l'époque, j'étais complètement passé à côté en mode ça ne m'intéresse même pas. Et on l'a vu réapparaître en tant qu'hommage dans d'autres films. Bah, donc, dans Brest de Naze. Déjà, dans La Cité de la Peur, dans un premier temps. Au moment où donc Alain Chabat tire des coups de pistolet vers le ciel. Ensuite, on le voit un peu effectivement dans Bryce de Nice. Et là, ça fait partie intégrante du film. Oui. Et on le voit apparaître au pif dans Hot Fuzz, le second film de la trilogie Cornetto, où on a le même mouvement que fait Alain Chabat, évidemment, des tirs chargeurs en tirant en l'air. Et voilà, donc, je trouve ça rigolo pour ce film qui, je pense, à l'époque, n'a pas fait un carton. Enfin, je ne sais pas, je pense pas que... Il a très très bien marché. Oui. Ah ouais, non, il était déjà culte à l'époque, en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est que nous, en France, après, ça m'a marché. Et puis c'est surtout que Catherine Bigelow, elle n'était pas connue. Personne ne savait qui c'était, donc, alors que c'était déjà une réalisatrice confirmée. Donc... Non, parce qu'elle a quand même fait aux frontières de l'aube. Oui, pareil, c'est pas des. En France. C'est ça. Si, après, elle réalisera Strange Days aussi. Et des mineurs. Fins, notamment. Donc non, c'est au-delà d'être la femme de Cameron, ça reste sacré réel. Quand on a fait le tour voilà. Pour les films. Oui, je pense que voilà les films. Moi, je vais noter d'autres. Alors, j'ai pas noté Delicatessen. T'en as parlé, mais je veux dire. Oh, bon, on l'a oublié sans doute. Regardez Delicatessen une fois dans votre vie. Je vous en supplie, regardez Delicatessen une fois dans votre vie. Voilà. Ne soyez pas étonné si vous l'avez pas vu. Ne soyez pas étonné des couleurs assez bizarroïdes et des courtes focales. Et ce film est fou, mais de toute façon, si t'as déjà vu un film de Jean-Pierre Jeunet, tu peux pas être surpris. Oui. Voilà. Et un petit coucou à notre ami qui a réalisé la forme de l'eau il y a pas longtemps, pour avoir repris totalement ripé complètement l'esthétique Jeunet en mode ah bon, j'ai fait ça moi. Monsieur Totoro. Ouais. Qui a... Voilà. Ah oui, le gars dans Death Stranding, c'est ça ? C'est ça, le gars dans Death Stranding. Et Jean-Pierre Jeunet qui est dit en mode « Non mais moi je suis plutôt honoré, hein, je suis plutôt content en vrai. » Et l'autre, il lui a répondu « Non, mais pas du tout. » Ouais, bon, enfin. Bon, sur le coup, c'était une longue parenthèse filmique. Bah ouais. Et donc, parce que sur le coup, je voulais qu'on revienne sur le coup au jeux vidéo, parce qu'on n'a pas parlé forcément de tout. Ah bah clairement, il en manque, les comptes ne sont pas bons. Ah. Et donc, sur le coup, bah, on va aller de quel côté pour les jeux vidéo ? Il y a encore deux jeux, Bigger Noob l'a cité en mode, le premier jeu qui lui est venu à l'esprit de 91, c'était ça. Donc on va en parler, on va parler des deux. Des deux spin-off entre guillemets de la série Golden Axe, avec d'un côté Golden Axe Warriors Master System et de l'autre Axe Battler, A Legend of Golden Axe sur Game Gear, parce qu'il faut pas l'oublier lui non plus. L'idée c'est que ces deux jeux sont des jeux d'action aventure dérivés de la série de Beat'em All Golden Axe, et que bon, on va pas se mentir, Sega a vu ce qui s'est passé du côté Nintendo et de Legend of Zelda, et ils se sont dit ça a pas l'air d'être mal comme jeu, on va reprendre les grandes lignes. Hein. Bah ils ont bien fait. Et donc ils ont sorti ces deux jeux, l'un pour la Master System, l'un exclusif à la Master System, l'autre exclusif à la Game Gear. Pour moi personnellement, sont de très bons jeux. Très bien construit, très bien fait, très intéressant dans la progression, avec de vraies bonnes idées. Je suis un peu déçu à chaque fois qu'on évoque Golden Axe Warrior, de voir que pour la plupart des gens, c'est juste un rip-off de Zelda inintéressant, alors qu'ils n'ont jamais touché. Non, alors que c'est tellement mieux que... Oui. C'est injuste de dire ça. Après, je dis ça, c'est un de mes jeux préférés de la Master. Pardon. Voilà. Bon, après, je pense qu'à part pas encore toi fait, et moi, Bostik, on va pas être beaucoup à pouvoir en parler. D'ailleurs, j'invite le chat, si jamais vous ne connaissez pas l'ami Bigger Noob, il a promis, alors engagement, les amis, Bigger Noob va jouer à Golden Axe Warrior dans le mois prochain. Voilà. Oui, j'attends ça avec impatience. Ça va, lui, il s'engage pas sur des jeux qui vont lui durer plus de 200 heures. Il est pas trop con, le mec, putain. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais... Ah, non, c'est terrible, Golden Axe Warrior, c'est pas autant d'heures, mais c'est autant de plaisir. Petit tour du côté de la Super NES, parce qu'on n'en a pas parlé, mais 1991, c'est l'année de sortie de la Super NES aux USA. Ouais. Et en particulier, il y a deux jeux. Moi, j'ai noté deux jeux sur Super NES, bon, entre autres, hein, parce qu'il va y en avoir d'autres, mais c'est la sortie en 91, d'une part, de Final Fantasy IV, qui deviendra Final Fantasy II aux États-Unis, on ne va pas réexpliquer encore. Et d'un autre côté, c'est la sortie japonaise de Zelda 3 Link to the Past. Voilà, deux jeux que ça a fait BAM! La grosse queue là. Dans ta gueule! Bah, dites-vous que j'ai joué à Golden Axe Warrior avant de jouer à Zelda. Et du coup, as cru que Zelda était inspiré de Golden Axe Warrior? Non, parce que je savais que ça existait. Parce qu'à l'époque, il y avait les bouquins. J'achetais les... Voilà. Comme pas mal d'entre nous, j'achetais les bouquins. Donc, je savais que ça existait. Mais voilà, moi, j'avais pas ce recul de... Ah, c'est un clone de Zelda. Non, j'ai vu Golden Axe Warrior, j'ai joué, j'ai trouvé fabuleux. Et après, j'ai joué à Zelda 3 et j'ai eu de l'écume qui sortait de la bouche et je me suis étouffé. Moi, j'avais joué à Zelda avant, mais j'avais joué à Zelda en mode t'es chez un pote et c'est pas ton jeu ni ta console. Donc, ton pote, il te laisse défausser un peu la manette, il braille et dès que tu touches le truc en disant attention, attention, regardez, on a tous connu ça. Bon, Donc, voilà, mais par contre, The Last Warrior, c'était mon jeu à moi. Donc, moi, j'étais en 5e, donc c'était un petit peu après 91. J'avais mon petit dictionnaire français anglais sur les genoux que je comprenais à peine ce qui était marqué à l'écran. Je traduisais mot à mot en mode je vais finir par comprendre ce qu'ils veulent me dire. Et c'était vachement bien. Ouais. Donc, ouais, voilà. Après, effectivement, tu découvres Zelda Link to the Past. Ouais. Et ça fait mal. Il faut le rappeler, est sorti le jour de mon anniversaire. C'est beau. Ça mérite d'être dit. Et t'as... Zelda, on en a déjà parlé pendant la spéciale Zelda. Mais on a déjà donné nos préférences. Moi, Link to the Past, j'ai déjà dit que c'était sans doute mon épisode préféré. Vraiment, enfin, c'est un épisode que j'aime de l'amour fou. Voilà. Ouais. Il y avait c'est à la fois un excellent épisode et à la fois un des jeux de mon enfance. Alors paradoxalement, Zelda 3, j'y jouais d'abord aussi chez des potes qui avaient la Super Nintendo avant les autres. C'était les fils du médecin qui avaient eu la Super Nintendo quasiment dès qu'elle était sortie. Et après, moi, quand je me suis acheté la Super Nintendo quelques années plus tard, c'est un des quatre premiers jeux que j'ai acheté. C'est ça, il y a eu Donkey Kong Country, Secret of Mana, Starwing et Zelda. Mais c'était vraiment vraiment les musiques, l'ambiance, enfin c'était vraiment super Ça reste d'ailleurs, tu soulignes un point important pour les musiques. Je trouve que c'est déjà l'épisode qui a probablement les meilleures musiques de Zelda et le Dark World, c'est ma musique préférée quoi. Ah c'est incroyable. Mais en fait, j'en avais déjà parlé, mais le fait déjà que tu récupères c'était Excalibur enfin, tu récupères Excalibur. Le méchant, et en fait non c'était pas le méchant et le jeu en fait c'était le tuto, première claque, c'était limite ça parce que t'as fait que 3 donjons, t'arrives en fait t'en as encore 7 autres, première claque et deuxième claque, mais la musique quoi. Tu fais waouh, mon dieu, enfin, c'est un truc de ouf. Vous savez que si vous parlez de musique, on va devoir évoquer un autre jeu qui est sorti en 91 aussi. Oui bien sûr, mais on parlait de plein de jeux, mais comme des vampires. Un certain château. Ah là là là là, oui. Château Vania. Château Vania, ouais. Château Vania, ouais. Je la fais souvent, celle-là. Mais de toute façon, sur Super NES, il y a eu du lourd. Parce que FF4, on peut en revenir. Mais... Oui, alors FF4, rapidement, juste parce que petite parenthèse, oui, donc FF4 que nous ne connaîtrons évidemment pas à l'époque. Hein. Ouais. Il faudra attendre donc sa sortie sur PS1 chez nous pour pouvoir y jouer. Et c'était quand même les débuts de la TB, c'était une histoire ultra shakespearienne avec des morts, mais tu les comptes même plus. L'histoire de Cécile, alors pour une fois, on n'est pas, on sort du cliché habituel du le jeune garçon se réveille, ses parents, c'est pas ses parents, et il a oublié qui il était, il va sauver le monde. Le début de FF4, il était là en mode « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est ça, c'est tu es un chevalier noir, tu fais partie d'une armée, t'arrives, tu détruis un village, qu'est-ce qui se passe ? Ils se remettent en question en plus, ce personnage. D'ailleurs, t'as ce fameux combat je crois tout le monde s'est fait avoir, hein, mais où... Le combat est de surtout pas attaquer je vais peut-être pas en dire trop, mais... Malheureusement, FF4, on le connaîtra beaucoup plus tard. Aujourd'hui, il y a plein de façons d'y jouer. Ouais. Une des meilleures, c'est sans doute la version PSP. Ouais, je pense aussi. L'édition complète. Avec tous les tout le scénario complet. Les années d'après, The Year After. The Year After. Ils avaient fait une version GBA, non ? Ouais. Il y a aussi une version GBA qui existe, mais il n'y a pas The Year After et techniquement, c'est un peu en dessous. Par contre, c'est une trad FR. Oui, version PS5. Une version DS en 3D, Ça se joue, c'est pas... Il y a aussi donc la version PS5, t'as dit, où il faut se cogner et temps de chargement. Ouais, c'est vrai. Et c'est celle sur laquelle j'ai découvert le jeu, et j'ai apprécié le jeu, donc... Moi, je l'ai en version JAB, j'ai un coffret spécial, en fait. Il y avait en version JAB de Il y avait sur PS1, il y avait le, c'était FF4 et FF5. Ouais. Qui étaient sur le, dans, enfin pas sur le même disque, mais sur le, dans la même boîte. Ouais, ouais, bah je, moi j'ai la version collector. La boîte elle est bleue et tout, elle est. Ah oui. Oui, elle est bien. Non, mais après 91, il y a des choses. Non. T'as évoqué brièvement Castlevania. Ah ouais. Donc on peut parler du line-up de la Super NES qui est une tuerie. Aux États-Unis. Qui est une tuerie. Bah oui, ça veut rien dire. Avec le recul, il veut rien dire ce line-up de lancement. Bah, je crois que c'est l'un des meilleurs line-up qu'il y a jamais eu pour une sortie de console en fait. Quand on regarde les line-up de maintenant des consoles. Ah oui, il y a plus. Ballon, hein. Ah oui. Le truc c'est que bah, déjà à l'époque, s'il y a bien un éditeur qui a compris qu'une console ça s'accompagne avec des jeux, c'est Nintendo. Ouais. Parce que en vrai, bon, Sega qui nous sort Altered Beast sur Mega Drive, c'était pas fantastique. Après, Sony nous apprendra qu'il suffit de sortir une machine, qu'on n'a pas besoin de mettre des jeux, les gens l'achètent quand même. C'est vrai. La PS4, la PS3. Oui, il a raison. Ça il a, mais c'est vrai, c'est après, vrai. Mais... C'était un peu voilà. Mais là donc, en 91 aux États-Unis, comme tu dis, on voit donc Super Castlevania 4. Il y a du Super Ghouls and Ghosts. Il y a Super Mario World, il y a F-Zero et Pilot Wings qui servent à expliquer un petit peu que, bon, on est quand même passé à un autre niveau, au niveau technique. Ouais. Et waouh, quoi! Ah, mais ce line-up qui veut rien Mario dire. World. Eh, on parlait de musique, Mario World est le parfait exemple de ce qu'on pouvait faire avec le processeur sonore. Oui, avec quelque chose qui était assez fou à l'époque, avec le fait qu'on ait une musique de base. Avec des choses qui se rajoutent dessus. Donc, dès qu'on monte sur Yoshi, on a des percus qui se rajoutent sur la musique de base. Et donc, une musique adaptive en temps réel, qui s'adapte en temps réel à ce que tu es en train de faire. Et tu avais des résonances, je l'avais dit, là, l'effet résonance dans les grottes. Moi, c'est la première fois que j'entendais un son comme ça. Oui, et puis, tout le côté jazzy où tu as l'impression d'avoir de vrais instruments. Oui. Oui, oui. C'est assez. C'était fou. Non, la Super NES a mis une claque hein, quand même à sa sortie. Bah, 91, en termes de jeu, il y a eu Lemmings. Je veux dire, si on veut parler des sorties entre guillemets sur micro-ordinateur, t'as quoi? Les Mings. Ouais. Entre autres, hein, tu as surtout, enfin, tu as aussi l'un des jeux qui est souvent crédité comme le premier MMORPG, t'as Neverwinter Night. Oui, c'est déjà pas mal. Oh là là, ouais. Oui, hein, 91, les gens. 91. Voilà. Un MMORPG. Alors, c'était plus du textuel, hein, c'est ça, si je dis pas de. Graphique, premier MMORPG. Ah ouais, d'accord. Donc c'était ouais. Donc voilà. Après il y a un autre MMO aussi qui est souvent cité comme étant le premier, c'est Shadow of Isberius, voilà. Ah oui. Je connais absolument pas, mais je sais que. Enfin, j'ai jamais joué, mais voilà. Je crois que c'est Sierra par contre. Ouais, c'est du Sierra. Ouais, c'est du Sierra. Il y a Another World aussi. Oui, tu as. On parle dans un premier temps de Lemmix, donc une petite boîte qui s'appelle DMA Design qui nous sort un petit jeu avec des personnages verts stupides à qui il faut dire quoi faire. En plus, on en a parlé de DMA Design, je pense, dans le podcast. Si vous voulez l'écouter. Lemmix qui sera tellement un succès qu'on le connaîtra sur, je crois que toutes les plateformes possibles et imaginables ont eu leur version de Lemmix. Tout sauf les jeux Electronic Tiger. ce qui est un gage de qualité. C'est vrai. Non mais il y a eu quoi, y en effectivement a... Donc Eric Chahi programmera quasiment tout seul de son côté le fameux Another World avec une technique d'animation révolutionnaire, avec un des premiers jeux on pourrait qualifier de Die and Retry. Oui, et un des premiers jeux cinématographiques. Ouais, le rotoscoping. Bah il y avait les cinématiques et la mise en scène et tout, mais le point de vue technique, c'était le jeu utilisait c'était plus des sprites qu'il y avait, c'est la première fois qu'il y avait des polygones. Alors c'était encore en vue de profil, mais du coup c'est ce qui donne aussi un cachet assez particulier au mais jeu. Mais il me semble en fait que c'est des polygones qui sont rendus sous le forme vectorielle, je crois, pour essayer de bouffer le moins de mémoire possible, non? Alors, je sais pas, mais si. C'est ça. Ouais, et ça donne un cachet ultra particulier au jeu. Même encore maintenant, vous regardez les cinématiques du jeu de maintenant, elles sont encore assez impressionnantes. Tu remets ça. Oui, t'as raison. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est les cinématiques, mais vraiment dans le sens cinématographique, on peut dire. C'est ce qu'ils voulaient faire. Tu vois, les jeux comme FF6 ou FF4 qu'on citait, eux aussi, ils ont des cinématiques, sauf que ça reste la vision du jeu, c'est vu de dessus et les bonhommes parlent. Tu vois, et c'est des scènes où tu ne joues pas, mais ça reste d'une cinématique dans le sens où ça raconte. Je crois que c'est le premier jeu où tu voyais une fondue, c'est-à-dire le le personnage qui avance vers toi, la caméra rentre dans son t-shirt, et en fait, le plan d'après, il a avancé, carrément. Ouais, c'est... Ah ouais, mais c'est possible. C'est la première fois que tu payais ça. C'est... Ah non, Another World, des jeux parlait... pionniers. Il y a Civilisation aussi. Ouais. Oh ben, avant d'enchaîner sur Civ, on parlait lors du dernier podcast en fait sur la saga Metroid. On parlait qu'il y avait en fait certains jeux qui avaient un côté, comment dire, une belle mise en scène un peu voilà cinématographique, mais Another World en fait arrive à faire tout ça sans texte. Ouais. Oui. Oui aussi. Sans parole, sans rien, sans rien. Rien du tout. Tu as juste l'image et voilà et un peu de son. Voilà. Voilà, ça fait très vidéo. Et du coup, c'est ce que feront la plupart des jeux PS1 hein, quand ils pensent. Quoi. Ouais. Par contre, sur quel support y jouer, moi la version Amiga est très bien. Les autres versions, j'ai jamais tellement essayé. Ah si, la version Super NES, ouais, que j'avais eu à prêter à l'époque. Bah, j'ai très peu joué à Another World. J'ai beaucoup plus joué à Flashback. Another World est sorti sur les consoles modernes aussi, donc on le trouve facilement. Oui, voilà. Il y a eu des remakes. Ah ouais, j'ai pas pensé. Ouais, y a pas de souci. Il dispose sur One. Donc on avait dit quoi ? PS4, Civilization. Il y a Civ. Ouais, il y a Civ qui est sorti. En 91, il y a Civ, il y a Monkey Island 2. Il y a... Donc bah, déjà Civilization donc, de Sid Meier qui est un jeu qui existe encore aujourd'hui. Hein, quand même. Oui. Oui. C'est... Bah, en même temps, si tu cherches. On en est au 6 ou au 7 là de Civ, non ? 6. Ouais. En même temps, si tu cherches un jeu de stratégie au tour par tour avec ce concept-là, qu'est-ce qui te reste ? T'as Civ et c'est tout. 4X ? Oh, t'en as des autres, des 4X après, tu c'est plus du spatial. Ouais, des 4X, ouais, il y en a pas mal en fait. D'accord. Bon, des 4X, il y en a quelques-uns, donc il y en a un ou deux qui sont sortis, je ne sais pas comment ils s'appellent. Mais ouais, 4X, c'est un genre en fait qui est peut-être pas le plus acheté, mais qui est assez représenté. Mm-hmm. Donc 4X marche encore assez bien. Mais si, ouais, ça reste le maître étalon, on va dire. Ouais, c'est une référence. Metroid 2 aussi, Return of Samus. Ouais, on en a parlé déjà. Je crois qu'on a fait un petit podcast il n'y a pas longtemps dessus. Oui. Donc c'est pour dire que l'année 91, en termes de jeux vidéo, c'est une année qui est hallucinante. Et puis chez nous, on était de l'apogée de la NES dans ces années-là. Mmh. Oui, il y avait un jeu pour moi. Megaman 4, Non, pour vous donner... Alors, Megaman 4, mais je voulais juste opposer deux jeux sortis sur NES cette même année-là qui, voilà, le fameux Batman Return of the Joker, dont on avait parlé il y a quelques temps. Oui, effectivement. Ouais. Et à l'autre côté du spectre, 1991, c'est l'année de sortie de Action 52, Action 52. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Shitamen. Voilà, je suis devenu culte avec le temps, mais pas pour les bonnes raisons. C'est ça. Et alors, c'est chez nous que sort aussi enfin Super Mario Bros. 3. 91 on a dû attendre 91 en France pour un jeu qui était sorti en 88 au Japon. Oui. Ah oui, effectivement. Qu'on nous l'avait déjà spoilé dans un film. Ah bah oui, on avait parlé. Le Wizard. Exactement. Comment il s'appelle en français celui-là ? Je me rappelle. Vidéo Kid, c'est pas ça, non ? Voilà, Video Kid. Ouais. Video Kid. Video Kid, c'est. Video Kid, l'enfant génial. L'enfant génial. Comme ça. Voilà, cherchez. Ah là là. En fait, 91, il y a King of Dragons aussi. Et donc, oui, le film est sorti en 89 et était censé donc, soutenir la sortie de Mario Bros. 3 aux États-Unis. Donc, nous, on l'avait vu en France avant que Mario 3 sorte. Et pour enseignement, ce film n'est jamais sorti ni en DVD ni en Blu-ray dans sa version française. Et il existait un site, alors Bosdick, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je ne sais plus comment ça s'appelait il y a quelques années, qui ripait les DVD et les parties audio sur les VHS et qui s'amusait à les assembler. Ils étaient entièrement hébergés sur Mega Upload. Et le jour où Mega Upload est tombé, ben, le site est tombé aussi. Ils avaient des dizaines et dizaines de films comme ça. Ils avaient des trucs comme Video Kid, comme Elvira, comme Meet the Feebles qui était en français. Meet the Feebles pour le trouver celui-là. Voilà. Et donc, à l'époque, moi j'avais téléchargé des films là-dessus en qualité parce qu'ils assemblaient, ils resynchronisaient l'audio français avec les DVD RIP. Pour avoir la meilleure qualité possible d'image et en même temps la bande son française. Je ne sais même plus comment s'appelait le site à l'époque. Et c'est pour dire que tout ça fait partie des choses qui sont un peu tombées avec avec Mega Upload et avec tout ça, tout ce qui s'était passé à l'époque. Hein. Et malheureusement, c'est un film qui est difficile à trouver aujourd'hui en français, Video Kid. Très très difficile. Et aussi, en 91, il y a un jeu que je pense qui est cher à Monsieur Chou, hein, c'est Puyo Puyo, non? Ah, 91 91, le premier Puyo Puyo. Oui, non, okay, en fait, tous Puyo Puyo, hein, mais c'est 91 le premier. Ah, moi j'aime particulièrement. Un jeu par contre auquel on allait passer sans doute à côté, l'un des premiers jeux d'arcade entièrement en 3D en fait, Starblade de chez Namco, ouais, oui, auquel j'ai absolument aucun souvenir, malgré qu'apparemment il existe une conversion 3DO et Mega CD. Oui, oui, j'y ai jamais touché. J'ai jamais joué. Voilà. Il n'existe pas sur PS1 aussi. Je sais pas. Oui, Starblade, il est sorti sous le nom Starblade Alpha avec des textures, justement. Ah oui, oui, Alpha, ouais. Oui, d'accord, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on parlait de 3DO 91, c'est l'année de la création de The 3DO Company. Ouais. Donc, voilà. Non, mais 91, c'est une année, bon, c'est une année charnière pour le jeu. Pour terminer, peut-être avec les créations d'entre voilà, de oui, studios, machin, on a Blizzard aussi. On a Blizzard, Bungie et id. Id Software, quand Software. Même. Ah, oui. Je disais id, moi, Software, mais je sais pas comment. Non, ça se dit, ouais, ça se dit id. Ça se dit id, alors que moi, je me suis toujours dit, non, ils ont fait un truc rigolo avec id. Id, tu vois. Ouais, moi aussi. Pendant un moment, j'y ai cru aussi, ouais. Bon, on n'a pas entendu PEL depuis un moment. On va le mettre sur orbite, on va le lancer. Oh non, vas-y, ça va être très bref, mais c'est vrai que... Ah mais si, voilà, vas-y. Non mais c'est marrant parce que tout à l'heure, je disais, on a commencé avec, en disant, je disais 91, ouais mais je mettrais 98, mais en fait je me rends compte que 91 c'était quand même assez fou, et rien que dans cette année-là, sont sortis trois jeux que j'ai déjà pris dans mes raconte-nous un jeu à la fin, ouais. Déjà rien que ça quand même. Il y avait le Wonder Boy in Monster World, il y avait le Raggy Blues Journée sur Neo Geo, ouais. Et le troisième... Personne n'a encore cité pour le moment, c'est PC Kit 2, quand même. Voilà. Ah non, mais ça, c'est des jeux qu'on te laisse, quoi. C'est des, tu dis ? C'est des jeux qu'on te laisse, ça. Ah bah oui, oui. C'est des jeux à toi, ça. Ah bah, je sais pas, vous attendiez que j'en parle, en fait. D'accord. Bah... Vas-y. Donc, PC Kit 2, appelé aux États-Unis. Bonk's Revenge. Puisque c'est le 2, et donc vraiment le meilleur épisode. Donc, la version japonaise donc, est bien sortie en 91, et il avait été testé dans le premier Joypad à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs, c'était le octobre 91. Le jeu avait eu la note juste hallucinante, 97%. Et en plus, dans ce numéro spécial, qui a été donc numéro 1, au milieu, tu avais la solution complète du jeu. C'est-à-dire qui t'indiquait où étaient toutes les fleurs pour avoir les bonus et tout ça. Et moi, je vois ça, graphiquement, je suis devenu mais complètement fou. Parce que les mimiques du personnage sont tellement très manga, je suis tombé amoureux du truc, mais immédiatement. Et ben, le mois d'après, j'avais la console, plus PC Kit 2. Voilà, direct. C'était vraiment un coup de cœur. Donc en novembre 91, j'ai acheté PC Kit 2. À cause du test. Ouais, et juste avant qu'on finisse sur les jeux, c'est aussi la sortie de Fatal Fury. Son... Oui, Fatal Fury, The King of Fighters. Ah ouais. Oui, parce que en fait, que Pell a parlé de la Neo Geo, et c'est vrai que ça m'y a fait penser. 91 aussi, en termes de jeux. Ouais, ouais. Geo, elle a fait. Ouais. Bah, étant donné que Street Fighter sorti en 91, Fatal Fury, c'est quelques mois après, du coup. Ouais. C'est ça. Bah, Fatal Fury, c'est. Ouais. 5 novembre. Mais tu vois, je reviens quand même sur PC Kit 2, vite fait. C'est qu'en fait, le jeu, quand même. Il était testé dans les magazines, hein. Il était testé dans les Player One, dans les Joypad et tout ça, mais ça restait quand même une console vachement confidentielle, bizarrement. Alors que, je veux dire, les testeurs de l'époque, ils ne faisaient pas du tout l'impasse hein, sur la machine. Hein. On la voyait. Hein, dans... En fait, pourquoi c'était une console un peu confidentielle, mon cher Pell, c'est que la console a été distribuée d'une façon un peu dégueulasse. Et puis, il fallait passer par Sony Bank si tu voulais avoir... Ouais. Alors que, attention, je peux dire que dans un rayon de 50 km, je peux dire, moi, là où j'étais dans ce coin particulier de France, on était quand même privilégiés. On avait Carrefour qui distribuait la console, on avait trois magasins spécialisés. Ouais, alors que moi, j'étais de la région lyonnaise et on n'avait pas... Et ça, il fallait passer par les trucs spécialisés, Sony Bank, quoi. Oui, oui, d'accord. Bah, moi, je me rappelle, je commandais sur Espace 3 dans les magazines. C'est oui, je m'en rappelle. Ouais. Ouais, Espace 3, j'en avais un Douai, un Aldil, et je ne sais plus où aussi. On n'en avait pas dans le coin. Et moi, honnêtement, Pell, c'était une console que je voulais avoir. Moi aussi. Mais le problème, c'est va-t'en convaincre ton père que tu ou tes parents que tu veux une console en plus alors que tu as déjà une Super NES. Ah bah ça c'est évident. Bah, moi je l'ai eu après un pote qui me l'avait fait. Une Super NES. J'ai eu la Super NES pendant pas mal de temps. Ah oui, t'as eu la gamme au-dessus toi. Ouais, juste chance là de pouvoir y jouer et tout bien m'amuser. Ouais. Mais je veux dire, ouais, c'était une console qui faisait rêver parce que moi je l'avais eu avec le pack justement Sony Peng, le quintupleur et Bomberman. Et je jouais énormément à Bomberman version PC Engine, PC Kit 2. Et cette même année-là, tu avais des titres déjà qui étaient hallucinants, comme Super Long Nose Goblin, Shoot 'em Up. Vraiment, mais incroyable. Quoi. Je suis sûr que tu kifferais ce jeu-là, moi, parce que ça fait très K.I.O. et Flying Squadron, justement. Et il y avait des petits bijoux sur cette machine. Ah bah, ouais, j'apprécierais. J'allais dire 91, c'est pas Superstar Soldier sur PC Engine, mais non, c'est 90. Enfin, c'est une machine où tu as des jeux. On pourra peut-être d'ailleurs préciser que la PC Engine Mini sort. C'est vrai. Avec une sortie tout aussi confidentielle qu'à l'origine. Ouais, c'est. Enfin, pas confidentielle, mais. En exclusivité sur Amazon et à un tarif prohibitif. Voilà. Oui, voilà. Parce qu'en fait, moi, c'est confidentiel. Pareil, c'est un machin qui potentiellement pourrait plus m'intéresser, mais le prix me branche pas du tout. Moi, c'est l'une des rares. C'est l'une des rares consoles mini qui m'intéresse, mais ouais. Ça a beau être intéressant, c'est deux fois le prix d'une Mega Drive mini, donc. C'est vraiment cher. Autant. On n'est pas. On par pas contre, j'ai déjà vu des previews du matériel. C'est excellent le produit. Hein. Il est après, excellent. Moi, je suis toujours dégoûté que le Snatcher n'ait pas fait une quelconque traduction, repris une traduction qui était pour nous la version Jap en Europe, ce qui rend le jeu totalement injouable. Ouais. Ça. C'est... Bah en fait, dans la cinquantaine, 52 titres dedans, t'en as 26 qui sont. Japonais. Je veux dire, qui sont complètement jouables tranquillement, en fait. Hein, puisque de toute façon, c'est des plateformers. Non, après, Snatcher, c'est particulier, parce que c'est un jeu textuel. C'est comme les Utopia. Ils sont jouables. Voilà, En tout cas, c'est vrai que c'est marrant, Pelle, que tu dises qu'il y a trois jeux que t'as cités dans tes jeux. J'ai cité tout à l'heure Golden Axe Warrior. Il y en a un second aussi que j'ai présenté dans mes jeux dont je vais parler tout ça. C'est qui est sorti en 91, c'est Rent a Hero sur Mega Drive. Aussi un jeu de 91. Voilà. Et comme quoi, en fait, t'as raison, c'est vraiment une année charnière. C'est une année de malade. Ouais. J'ai jamais fait attention avant qu'on l'évoque. En regardant et tout. Bon, et sur le coup. Si vous en avez fini avec les jeux que vous vouliez citer. Ah oui. J'ai envie de faire Je pense que c'est à peu près tout. Petite extension. Bon, c'est déjà 23h, mais on va parler de ce qui s'est passé en musique en 91. Parce que... Oh mon Dieu. Honnêtement, je pense que le choix de l'année n'a pas été anodin, en fait. Je dirais qu'un mot, Dangerous. Et je m'en vais. Ouais, t'as quoi? T'as Nevermind, t'as Scène. J'ai noté, moi, ce qui me paraissait notable, j'ai noté quelques albums en fonction de déroulement de l'année, mais d'ailleurs, ça va aller assez vite. L'année commence le 5 février, l'année commence. Premier album notable pour moi le 5 février avec Innuendo, le dernier album de Queen. Totalement. Enfin, le dernier album de Queen avec Freddie Mercury vivant, donc qui restera pour moi le dernier album de Queen de toute façon. Avec Innuendo, l'une des meilleures chansons. Et Show Must Go On, et I'm Going Slightly Mad. Au niveau des décès, hein, l'année 91, quand même. Si jamais vous d'ailleurs vous trouvez Innuendo de Queen, sachez que dans des caches comme ça, il est sorti en 91 avec un calendrier de l'année 1992 dans une pochette cartonnée avec le CD. Ah oui. Voilà. Si vous êtes sage, je ferai des photos. Mais Queen, c'est absolument formidable. Franchement. Ah oui. Les artistes que moi je vais, j'ai toujours beaucoup aimé Queen, j'aime encore beaucoup Queen aujourd'hui. Ouais, mais moi aussi. C'est... Et Dire Straits hein, aussi cette année-là. Enfin, je sais pas si t'allais en parler. Écoute, Le problème, c'est que t'as 100 milliards de choses dans cette année. J'avais passé au mois de mars, donc oui, le 12 mars, donc REM, Out of Time. Ah ouais, on en parlait justement lors de la réparation du podcast, effectivement. Je suis pas quelqu'un qui apprécie particulièrement. Ouais, mais ils ont explosé cette année-là avec, comme tu dis, avec, dans un premier temps, Shiny Happy People, et ensuite Losing My Religion. Ah bah, parce que, bon, à la base, R.E.M., c'est quand même un groupe qui était très connu dans les circuits indépendants. Hein, oui. Pour les circuits un peu underground. Mais, oui, mais voilà, ça restait assez... Enfin, là, ils ont explosé au prix du grand public, je parle. Mais oui, ça oui reste, bien sûr. Oui. Je, voilà, on est bien d'accord. Mais Losing My Religion est sorti avant. Bien. Ah. Avant quoi? Avant Shining Happy People. Ah bon, le single est sorti avant. Ah bah tiens, non, je te fais confiance. J'aime pas Shiny Happy People. Ouais, Shiny Happy People est sorti bien après. D'accord, je pensais que single datait d'avant. Non, donc, monsieur, je te fais entièrement confiance. Voilà, tu peux. Okay. Donc ensuite, petite parenthèse rapide, sans, à part moi, personne ne va trop. Voilà, le 2 avril sort l'album Arise de Sepultura. Ah, c'est pas pour moi, oui. Voilà. Ah oui, ah oui. Donc voilà. Alors que pourtant, c'est pas ma période préférée de Sepultura. Hein. Ouais. Voilà. Mais voilà. Ensuite, d'ailleurs, c'est très rigolo. J'ai développé une obsession pour une guitare qui s'appelle la Warlock de chez le fabricant BC Rich à cause du clip Arise de Sepultura. Et je voulais une Warlock en blanc que j'ai fini par avoir des années plus tard. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on peut continuer sur un album dont Chou, toi tu l'as cité, donc au mois de mai, qui est sorti le 28, l'album Guiche des Smashing Pumpkins. Ah oui, premier album des Smashing Pumpkins. On en parlait. Alors moi, c'est pareil en fait. Tous ces groupes, je peux pas dire que je les ai découverts à l'époque, parce que ce serait totalement mentir. Je me suis vraiment intéressé par la musique à partir de 93. En fait, j'ai eu une télé en 93 pour pouvoir arrêter d'emmerder mes parents quand je jouais à Street Fighter 2 sur la télé, tu vois, du salon. Donc du coup, en fait, je mangeais en 3 minutes chronomètre en main pour remonter, pour regarder en fait les guignols, la musique dans l'une par ailleurs et après, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait en 93. C'est important parce que le... Moi, j'ai vu à l'époque Smashing Pumpkins jouer Bullet with Butterfly Wings, ouais. Nulle part ailleurs. Oui, voilà, ouais. Ça m'a fait une impression de dingue. Genre, je voulais absolument Melancholy and Infinite Sadness, mais genre tout de suite, je voulais cet album. Voilà. Bah, moi, ça m'a fait la même chose, en fait, avec In Utero de Nirvana, quand j'ai vu jouer en live, et dont j'ai pas compris. J'ai parlé d'un truc, ça m'a traumatisé à l'époque. Sur le coup, je me suis dit, c'est les mecs les plus cools du monde. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Durant en fait le troisième ou quatrième morceau, en fait il y a eu un rappel et la guitare de Cobain, en fait la guitare de Kurt, elle se met à plus marcher et il claque la guitare par terre. Mais j'ai compris des années plus tard en fait qu'il a pas claqué la guitare juste comme ça pour faire joli. C'est juste qu'il était trop saoulé qu'elle marche plus. Voilà. J'ai découvert ça des années après en regardant le truc. Je me suis dit ah ouais en fait ouais le truc marche pas. Tu vois quand même que le réalisateur fait quand même un boulot monstre pour qu'on évite de voir en fait Cobain qui gratte son truc et que ça marche pas et qui est énervé. Et voilà. Mais ouais, Guiche, qui est pas l'album qui a le plus marché auprès du grand public, pour revenir sur les Pumpkins, mais t'as quand même 3-4 bons titres dessus. Hein, pas mal, hein. T'as quoi? T'as Rhinocéros, t'as Siva, I'm the One, ouais, t'as pas mal de trucs. Voilà, ça deviendra mieux avec Siamese Dreams et surtout Melancholy. Melancholy, ouais. Même si Melancholy a un petit peu le syndrome du double CD, que s'ils avaient gardé que l'essentiel... Ouais, je suis un peu d'accord. Bah, le problème aussi avec Melancholy, c'est que t'as beaucoup en fait, qui ont critiqué les thèmes en fait, de l'album. Ouais. Alors que bon, c'est toujours des thèmes un peu classiques avec Billy Corgan, hein, faut pas déconner. Mais bon. Ensuite, on fait un saut de quelques mois en avant, parce que surtout la fin d'année qui va être très chargée avec le mois d'août. Alors le 12 août, c'est la sortie du Black Album de Metallica. Ah ouais. Oui. Oh là là. Donc, je l'avais pas dans ma sélection. Premier album de Metallica que j'ai écouté personnellement. Alors, les puristes et les vrais, les true fans diront que ça se devient commercial, les tempos sont plus lents, il y a moins de recherche dans les morceaux, et surtout que la moitié des morceaux ne sont que des fillers que finalement Metallica ne jouera jamais en live. Et là, on peut pas non plus dire que c'est pas vrai parce que c'est vrai. Parce que Don't Tread on Me ou Struggle Within, ils ne les joueront jamais en live, sauf là pour fêter l'anniversaire de l'album. Hein, donc voilà. Parce que bon, si vraiment on a envie de se la jouer puriste, t'as quand même Injustice for All et Ride the Lightning qui sont vraiment très bien. Mais j'ai rien contre le Black Album. Voilà, voilà, mais enfin, Black, ne serait-ce que Enter Sandman, qui est vraiment peut-être. Enfin, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, tu peux. Metallica, c'est quoi? Je lui mets Enter Sandman. Enter Sandman, c'est vraiment la chanson de Metallica, par exemple. Du moment que tu leur mets pas Nothing Else Matters, tout va bien. Non, mais voilà, j'ai vraiment. Je sais pas si. Enfin, ça fait partie des albums qui vous ont marqué, Moa ou Pell, Bostik. Non, bah, moi, c'est le seul que j'ai écouté de Metallica. Moi, j'ai jamais été très metal. Mais je connaissais quand même le Black Album, tu vois. Je vais citer un mec. Alors, ça va me faire chier de le citer, mais tant pis. Monsieur Chou comprendra. Un gars avec des lunettes noires, hein, bref, qui. Hein, un certain Philippe Manœuvre. Ah mon Dieu, ah non, pas lui. Mais il a dit un truc. Il a dit le Black Album, c'est l'album de métal que même ta mère elle le connaît. Et là-dessus, tu peux pas lui donner tort. Mais oui, je pense que c'est vrai. Mais moi, je connais alors que je suis pas quelqu'un qui écoute voilà. du métal. Parce que Enter Sandman, parce que bah Nothing Else Matters, parce que voilà. Et quand les gens disent c'est devenu commercial, tout le monde. Plus grand public et tout, bah en fait c'est vrai parce que. Ouais, non, bah après, comment dire. Est-ce que c'est bien ou pas, c'est une autre question. Ça n'a jamais été unique avec qualité. Non, mais voilà, est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas, mais. C'est pas ça, on critique, c'est devenu commercial. Metallica, c'est pas une œuvre caritative, c'est un groupe de musique. Totalement. Ouais. Voilà, ça me rappelle en fait début des années 2000 où les puristes du skateboard, oui, Tony Hawk, machin, il s'est fait de la thune avec les jeux. Bah, heureusement qu'il a pas fait ça gratuitement, hein, mon con. Hein. Voilà, je suis désolé. Mais voilà, heureusement qu'il a pas fait ça gratos, sinon ça serait un peu triste. Mais si vous voulez, pour 91, hein, j'ai que truc. Mais enfin, on continue, ce que j'ai fait après, oui. Oui, le lendemain. Donc oui, non, rapidement passé parce que voilà, juste c'est le 13 août, c'est le premier album de Mr. Bungle, le side project du chanteur de Faith No More. Ouais, que je connais absolument. Voilà, que voilà, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de fans de cet album qui est foufou. Toujours au mois d'août, le 20 août, on a l'album des Spin Doctors, The Pocket Full of Kryptonite, qui connaîtra un gros succès avec le titre Two Princes que tout le monde connaît. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que Spin Doctors, ils existent encore aujourd'hui. Oui, et il joue encore Two Princes. Voilà. Voilà. On aura aussi le 26 août le premier album de Blur, Leisure, dont je n'ai strictement aucun souvenir, mais Blur. Je pensais que c'était, je pensais pas que c'était si vieux que ça. Non, mais Blur, nous, on connaît Boys and Girls. Ouais, voilà, on connaît que le Song 2, nous. Song 2, ouais, voilà, ouais. C'est vrai. Non, pardon, c'est pas le Song 2, c'est le Wouhou, c'est quoi Wouhou? Ouais, c'est Wouhou, voilà, la chanson Wouhou, la fameuse. C'est ça, c'est celle de 98. Et le lendemain. Et le lendemain, tu as quand même le 27, je crois. Hein. Tu as quand même Thème de Pearl Jam. Voilà, sur Blur, plus tard, donc le chanteur de Blur qui fera aussi Gorillaz quand même. Oui, Blur. Ouais. Le 27 août, tu l'as dit, monsieur Chou, Thème de Pearl Jam. Que j'ai réécouté la semaine passée sans me souvenir qu'on allait parler. Enfin, sans savoir exactement qu'on allait faire l'année 91. Pearl Jam, j'ai quasiment jamais écouté. Ah, c'est quoi la chanson la plus connue? Alors, ouais, t'as quoi? Alive, Jérémy aussi. Jérémy est connu, mais Alive, c'est. Alors, le problème, le truc avec Pearl Jam, c'est que moi, je les ai découverts tard parce que, à l'époque, ils avaient un grand malheur, Pearl Jam, et on en parlera un peu après, c'est qu'ils venaient de Seattle. Oui. Quand tu parlais de Seattle, tu disais, ah ouais, mais alors c'est comme Nirvana. Voilà. Et ils étaient complètement dans l'ombre de ce que faisait Nirvana. Alors que t'écoutes Pearl Jam, ne serait-ce que Alive, ça a rien à voir. Musicalement, ça n'a juste rien à voir. Déjà, Eddie Vedder sait chanter. Non, je suis méchant. Monsieur. Alors, je vais m'insurger deux minutes. Cobain est un excellent musicien. Non, mais je rigole. Il sait chanter quand il veut. Il sait écrire. Si tu aimes bien les solos de guitare façon Eddie Van Halen, écoute pas Nirvana, fais-toi plaisir et écoute-le carrément pas. Bah, c'est un très bon soloiste, mais c'est un très bon soloiste bizarre. Voilà, c'est tout. Non, mais je troll. Ce que je veux dire par là, c'est que Pearl Jam, en termes de sophistication, en termes de termes aussi de contenu de texte et de portée des textes, on est totalement sur un autre univers que Nirvana, ça n'a rien à voir. Mais rien, voilà. Mais non, mais je veux dire, c'est pour dire, à l'époque, moi, j'ai cru naïvement, mais c'est un peu comme quand on parlait, quand ils disaient à l'époque les Smashing Pumpkins, comme Nirvana. Mais non, c'est pas comme Nirvana. Non. Faut pas dire ça. Non. Très sincèrement, c'est pas comme Nirvana, c'est juste du rock des années 90. Et voilà, t'avais pas mal de groupes qui étaient un peu. vais pas dire dans la même mouvance, mais voilà. De toute façon, il faut, comment dire, dès l'instant tu parles de musique, il faut que tu mettes des gens dans une catégorie, donc de manière. Donc oui, Ten de Pearl Jam, c'est un album à écouter au moins une fois. Enfin voilà, j'ai. D'accord. Non, moi je connais pas. Je viens d'essayer d'écouter. Effectivement, je. Et tu as un clip par contre qui a souffert en fait de pas mal de problèmes en fait, qui est Jérémy en fait, qui a été plus ou moins je crois censuré en fait aux États-Unis à cause en fait de gens qui ont mal interprété un truc. En même temps, je peux comprendre, hein, après le massacre de Columbine, tu m'étonnes que le clip, vu la façon que tu pourrais interpréter à la fois le clip et les paroles, je suis pas sûr que ça passe, mais bon, enfin bref. Et voilà, Ten, écoutez-le, hein, c'est vraiment très bien. Donc ensuite, au mois de septembre, le 17 septembre, il y a trois albums, bon bref, qui vont sortir. Mm-hmm. Dans un premier temps, le No More Tears d'Ozzy Osbourne. Ah, effectivement. No More Tears, c'était l'époque avec Zakk Wylde, je crois. C'est Zakk Wylde, ouais. Ah bah oui, parce que disons que Randy Rhoads... Il était décédé. Oui, non, mais il y en a eu d'autres avant, entre autres, et puis après, mais vous voilà. Vous savez que vous parlez chinois pour moi. Alors, Bozik, alors petite pelle, t'es de mauvaise langue parce que ça fait 3 ans qu'on te dit si t'as je sais plus quelle chanson t'as aimé d'Ozzy Osbourne, et écoute No More Tears. Eh ben écoute No More Tears, c'est très bien. Ah, c'est dans No More Tears, Billon, tu vas pouvoir me dire où t'as la chanson qui a été écrite par Lemmy Motorhead, Mama is Coming Home, c'est ça, hein. Oui. Ah mais c'est dans celui-là, oui. Oui, moi, je confirme, c'est vrai, je t'avais dit qu'il y avait un album de Ozzy Osbourne assez récent, qui a peut-être 4-5 ans, quoi, ou peut-être plus que ça quand même, mais que j'ai écouté beaucoup, ouais, je me rappelle, j'aimais bien. Mais bon, et voilà. On retrouve aussi dans No More Tears une petite chanson, rapidement, qui s'appelle Hellraiser. Hellraiser, bah oui. Qu'on retrouve donc dans la BO de GTA San Andreas. C'est encore Lemmy, en fait. La chanson Hellraiser a été coécrite avec Lemmy Kilmister. Il existe une version de Ozzy Osbourne sur cet album et une version d'un autre côté chantée par Lemmy Kilmister. C'est une chanson qui a deux versions, voilà. Moi, j'ai une tendance à préférer la version d'Ozzy Osbourne. Bon, après, c'est il requiert ensemble. Donc, voilà. Mais c'était Zakk Wylde qui, oui, il n'est pas Randy Rhoads, mais oui, il sait jouer de la guitare quand même. Hein. Oui, non, mais attends, c'était voilà. C'est beaucoup ça, des fois, les guerres de guitaristes ou je sais pas quoi. Oui, mais bon, tant que la musique est bonne, à la limite. Ok, bref, sur le coup, c'est un album très accessible d'Ozzy Osbourne. Vraiment, très accessible musicalement. C'est comme un peu comme Black Album Metallica. C'est vraiment. Faut pas y aller en mode, c'est du métal méchant. Non, non. C'est très accessible. Justement, et ensuite... No More Tears, Mama is Coming Home, I'm Coming Home, bah, c'est. Tout public, quoi. On va le dire comme ça. Le même jour sort un diptyque. Alors là. De pareil, alors on va dire encore une fois toujours la même chose. Les gars, vous auriez pris les 12 meilleures chansons et vous auriez fait un seul CD, vous sortiez l'album du siècle. Donc les Guns N' Roses avec les Origins 1 et 2. Moi, j'aime tout, effectivement. Ça, je connais pas. Voilà. Ah bah oui, alors là, ils ont tout rempli à la gueule. Alors malgré tout ce qui a été entendu sur le groupe, malgré le fait qu'on disait à l'époque que Slash et Axl Rose ne pouvaient pas enregistrer dans la même pièce parce qu'ils pouvaient plus voir donc les guerres d'ego, les comportements d'Axel qui faisait sa diva en concert ou qui sautait dans le public pour défoncer un gars parce qu'il avait mal regardé peut-être. Enfin bon, bref. Où il portait ces espèces de caleçons moulants absolument indécents sur scène. Hein. Faut le dire quand même. C'est vrai qu'il ressemblait à rien, putain. Mais bon, peu importe. Il faut savoir qu'Axl Rose, même s'il a perdu de sa superbe, est un des chanteurs avec la plus grande tessiture. Était un des plus grands chanteurs avec la plus grande tessiture. C'est-à-dire que, pour s'imaginer un peu... Axl Rose a une plus grande tessiture que Mariah Carey, parce qu'il commence plus bas. Il va moins haut, mais il commence plus bas. Et la note la plus grave relevée d'Axl Rose est plus grave que la plus grave note de Barry White. Disons, pour expliquer peut-être aussi... Non, c'est pas faux. Axl Rose, il est capable d'avoir, même à la limite, 4 ou 5 voix très distinctes. Et si tu sais pas que c'est lui qui chante, tu pourrais dire que c'est 4 ou 5 personnes différentes. Mais ouais, c'est vraiment c'est le problème d'Axl Rose, c'est qu'il a jamais fait attention à sa voix et qu'il a jamais ménagé sa voix, et qu'aujourd'hui sur le coup ça va nettement moins bien, mais à l'époque voilà, Use Origin 1 et 2, il y a de tout dedans, il y a des belles chansons, il y a de moins bien, il y a c'est un peu un fourre-tout général, mais évidemment quand tu sors des titres comme November Rain, je l'ai dit tout à l'heure, You Could Be Mine, Civil War pour moi que j'aime énormément, ou Coma, enfin voilà, plus les reprises extrêmement connues de Knockin' on Heaven's Door et de Live and Let Die. Bon, ils ont quand même pas tapé à côté, quoi. Voilà. Mais alors, par contre, ça m'a peut-être plus marqué qu'à vous, ce diptyque-là, à l'époque. Bah, voilà. c'est pas que ça m'a pas marqué ou quoi, c'est juste que quand tu vois ce qui sort, même ça, c'est un très bon album, hein, je l'ai écouté très souvent. Mais quand tu vois ce qui sort cette année en termes de, comment dire, de groupes qui ont vraiment explosé, bon, c'est, alors, comment dire, les Guns à côté, ça fait un peu kitsch. Okay. Quoi, bah, disons que moi, j'écoutais pas ça à l'époque. Donc... On va faire un petit saut donc, le 24 septembre. Le 24 septembre, alors il y a trois albums qui sortent, moi, que je retiens. C'est le Bad Motorfinger de Soundgarden. Ah, c'est aussi le 24, d'accord. Oui, on est obligé d'en parler. C'est Soundgarden, c'est un petit peu aussi parmi les groupes. Enfin, là, le groupe de Chris Cornell, donc. Qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Voilà. Où on retrouve. La consécration viendra en 94 avec Black Hole Sun, mais c'est le titre où on retrouve notamment Rusty Cage dessus. Donc, ça reste un excellent album de Soundgarden. Moi, comme beaucoup de gens, j'ai découvert ça avec Black Hole Sun. Découvert Soundgarden avec Black Hole Sun. Oui, voilà. Donc, ils existaient un petit peu avant. Ensuite, le même jour, sortira le Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers. Ah, ouais. Putain. Qui était quand même produit par Rick Rubin, en fait. Non, mais Rick Rubin, il a produit tout le monde. Hein, tu sais. Voilà, mais voilà. Rick Rubin, c'est une sommité en matière de prod. Voilà, ouais. Avec la chanson éponyme que je trouve absolument incroyable. Alors que moi, c'est pas un album que j'aime énormément. Hein, Blood c'est un album que je connais pas. Les singles connus, c'est bon, évidemment Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Non, et surtout, le fameux, allez, on va tous chanter ensemble. I don't wanna feel non. Like I did that day. Mais tu sais, en faisant ça... Under the Bridge, non mais attends, c'est... Voilà, bon, t'as beau faire ce que tu veux. Oui, mais voilà, c'est des musiques que j'écoutais, malgré moi, parce que c'était une période où j'écoutais beaucoup la radio. Et du coup... Je tombais souvent sur ces morceaux-là. Mais je veux dire, Under the Bridge, voilà quoi. Tout le monde connaît cette chanson, tout le monde. Moi. Et pour en revenir à Rick Rubin, ça reste quand même, je disais, un des plus grands producteurs américains. C'est quand même quelqu'un qui était capable de produire LL Cool J et d'aller produire Messiah, Slayer. Même instant, quoi. Alors, pour revenir, moi dans l'album, c'est bon, celle dont vous avez parlé, oui, effectivement, mais ouais, moi, Blood Sugar Sex Magic, j'aime la chanson, j'aime le côté un peu moins rock tout public. Je sais pas comment le dire, j'ai pas envie de le dire péjorativement parce que j'adore les autres chansons aussi, mais cette espèce de le son bizarre de la guitare déjà. Les accords, enfin, c'est... C'est pas pour dire, mais t'as quand même chanté la guitare. Quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, c'est pas compliqué, tu as un rapport en fait avec l'année 91 avec une guitare qui est la Stratocaster, qui est jouée par Frusciante, qui est jouée par Cobain, qui est jouée aussi, je crois, dans une moindre mesure aussi par le gratteux de Pearl Jam. Donc voilà, t'as, comment dire, entre guillemets, le son un peu dégueulasse que. J'adore la Stratocaster, mais voilà, beaucoup de gens disent que c'est un son dégueulasse. Le son un peu dégueu que pourrait avoir cette guitare, c'est très, en fait, typé, en fait, comment dire. C'est un truc qui est vraiment revenu, en fait, à partir de l'année 91. Ouais, mais là, il a en plus rajouté une disto bizarre pour cette chanson. Enfin, bref, sur quoi? Sur Give It Away? Non. Sur Blue Sugar Sex Magic, c'est ce que je dis. Ah, ok. C'est une chanson de l'album, en fait. C'est... Ouais, non, mais je m'en souviens plus exactement de, de cette chanson. Et non, je voulais dire que Under the Bridge, comment il s'appelle? Santana. Si tu... Ah bon, je crois que tu avais parlé de All Saints, là. Non. Ah non. Santana a sorti une version, il a sorti un album qui s'appelait Guitar Heaven en 2012, 14, j'en sais rien, bref, où il prenait tous les classiques du rock, il les a mis dans un album et il faisait des collaborations, en fait. Chaque chanson, c'est une collaboration avec des gens, tu vois. Et Under the Bridge, Vous devinerez jamais avec qui l'a faite. Avec les Gypsy Kings. Non. J'ai eu très peur. Avec Rock Voisine. Oh là là. Tu te moquais des Gypsy Kings. Et... Ah ouais, c'est je vous avais dit que vous devineriez jamais. Est-ce que, non, est-ce que vous allez trouver encore plus improbable, c'est qu'elle mais est non, bien. Mais... Ah ok. Non, en d'accord. Même temps, on parle de Santana qui a fait l'album Supernatural, un album avec de la guitare et du R&B. Alors, dans cet Santana. Album, il a fait Back in Black avec Nas. Voilà. Et alors là, par contre, je cautionne pas. What? What? Non, c'est sale, là. C'est sale. Là, je cautionne pas. Non, il faut écouter Supernatural. Si vous voulez des sonorités R&B hip-hop, il faut écouter Supernatural de Santana. Mais je crois que tu avais dit que le morceau avec Rock Voisine était très bien, en plus, moi. Oui. Mais je confirme, il est bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Moi, si vous voulez, je vous donne un ou deux albums. Hein. Non. Au-delà de la Zoubida. J'allais dire, Zoubida, c'est obligé. J'ai sortir la gaffe. Avec les albums du 24 septembre. Le triptyque, donc. Le Nevermind de Nirvana sort le 24 septembre 1991. Et là, Pelle et Bozdik, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas, sinon je commence à tout casser, là. Ouais, non, mais... Non, mais ça, alors... tout le monde connaît. Je connais la musique un minimum, quand même. Après, il y a des trucs... C'est, bon, moi, c'est là, un des deux premiers CD que j'ai acheté. Le second, on en parlera après. Donc, Nevermind de Nirvana, donc le second album de Nirvana. La légende dit que... Donc Butch Vig, le producteur de l'album, qui est aussi le batteur du groupe Garbage, soit en passant, usé de stratagèmes absolument incroyables pour forcer Kurt Cobain à doubler ses parties de chant et doubler ses parties de guitare pour peaufiner le son de l'album, et que c'était une horreur. Il était obligé de lui dire par moment que les prises n'avaient pas marché pour qu'il refasse des prises, parce que Kurt Cobain refusait obstinément de faire plusieurs passages en studio. Ça a été très compliqué. Il a, Nevermind de Nirvana, c'est un album de Nirvana, mais c'est aussi un album de Butch Vig, parce que dans la façon dont c'est fait, quand on écoute les démos 6 mois avant que l'album sorte et l'album final, le chemin qui est fait en 6 mois, il est juste dingue. Paradoxalement, c'est ce qui fera aussi que Kurt Cobain aura toujours beaucoup d'amertume après la sortie de cet album, trouvant le son trop clean, trop travaillé et pas assez brut. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand on écoute Bleach forcément. Quand on écoute même In Utero, le son de ce Nevermind, paradoxalement, c'était le porte-étendard de la génération qui voulait pas, de la génération qui disait non, l'espèce de fils du spirituel du grunge, alors que paradoxalement Nevermind, c'est vraiment l'album le plus travaillé de Nirvana en termes de son. Ouais. Voilà. Parce que bon, il me semble que c'est Steve Albini, je crois, pour In Utero. Hein. C'est ça, c'est Albini pour In Utero. Ouais. Qui a un son beaucoup plus brut, beaucoup plus live. Hein. Oui. Bah, quelque part, qui ressemble un peu aussi à, comment dire, au son que tu peux avoir aussi sur l'album de, comment dire, de Face B, qui est Incesticide, je crois. Hein. Oui, ouais, c'est ça, Incesticide. Ouais. Mais In Utero, qui n'est pas un mauvais album, mais que la plupart des gens qui ont aimé Nevermind ont chié allègrement, alors qu'il est très bon truc dessus. Et d'ailleurs, ouais, attends, excuse-moi, je te coupe, juste un truc. Je crois 2003 ou 2004, j'avais été voir, tout à l'heure on a parlé de Sepultura, j'avais été voir Soulfly, donc, qui était à l'époque le nouveau groupe de Max Cavalera. Mm-hmm. Et en fait, ils avaient repris. Ça existe toujours. Il est toujours là, Maxou. Okay. Bon, il a plus 20 ans, mais il est toujours là. Ouais. Et ils avaient repris, en fait, une chanson en fait, de Nirvana, ce qui m'avait beaucoup fait rire, et c'était super stylé. Et c'était en fait en rappel, en fait, histoire de. Voilà, on balance ça à la fin, et puis voilà, on s'amuse, et voilà. Et c'était très sympa, j'en garde un très bon souvenir de ce concert pour ce moment-là. Par contre, mes oreilles ont pris cher. Donc voilà, Nevermind de Nirvana, c'est un peu... je pourrais même pas en parler, c'est un des albums qui m'a fait aimer la musique, littéralement. Et tout à l'heure, excuse-moi, 30 secondes, ouais. On parlait de Butch Vig, c'est lui aussi qui a produit Gish, les Pumpkins. Ah, oui, totalement. Ouais, totalement. Voilà. Et concernant l'album, une anecdote incroyable et époustouflante, savez-vous que chaque année le bébé a un an de plus? Oui. Et qu'il a refait la pochette du disque, mais sans le zizi à l'air. Ouais, non, parce que c'est ouf, chaque année t'as un article Enfin, chaque année, ouais, t'as des articles qui disent « Ah, le bébé de Nirvana, on l'a retrouvé. » Eh ben, écoute, regardez, tu as le même truc. Ils ont cru qu'il était empaillé. Tu as le même truc, moi, mais avec, en fait, je crois que c'est les deux enfants qui sont sur la pochette de Siamus Dream des Smashing Pumpkins. J'ai vu passer l'an passé un truc en mode « On a retrouvé les deux trucs. » Du coup, je lis le truc. Je dis ouais, pourquoi pas. Sauf que le lendemain, en fait, sur Twitter, je vois Corgan qui dit non, en fait, l'article, c'est de la merde. C'est pas elle. Je dis, ah, d'accord, super. Ah, merci. Bah oui, mais oui. Mais enfin, voilà, mais ça m'a toujours fait marrer. Chaque année, vous le verrez, cet article-là. Hein. Ouais. On a retrouvé le bébé de Nevermind. C'est bon. Ils ont que ce coup. Ces albums, pour moi, voilà, Nevermind fait partie des albums intouchables. Enfin, intouchables. Voilà, ça en même temps, voilà, Cobain fera pas long feu. Je ne le verrai pas en live comme beaucoup. Malheureusement. Hein. Forcément. Bah, après, je peux me conseiller en disant c'est l'un des grands regrets de ne pas avoir pu le voir en live, mais je me dis, j'ai vu le live à nulle part ailleurs devant ma télé, 36 cm. Ouais. Voilà. Je vais pas dire que ça me suffit, mais voilà, j'en garde au moins déjà un bon souvenir pour ça, et puis voilà. Ouais, ils avaient joué, c'était à l'époque de la sortie d'In Utero, et il y avait Pat Smear à la guitare en tant que second guitariste. Voilà. Pat d'ailleurs qui a fait pas mal d'albums et de tournées derrière avec les Foo Fighters. Ouais. Voilà, c'est ça, qui était lors du premier album et qui est revenu après un peu plus tard dans les Foo Fighters. J'aime beaucoup les Foo Fighters. Ah, gros fan aussi, hein, voilà. Je veux dire, Nevermind, c'est oui, parce qu'on l'a pas dit. Et d'ailleurs, Nevermind, qui c'est derrière les fûts, c'est Dave, l'ami de tout le monde. et d'ailleurs, l'une des personnes qui est rarement citée comme étant un très bon musicien, qui est quand même Chris Novoselic, qui faisait en fait, qui avait des lignes de basse qui étaient assez intéressantes. Moi, ça m'arrive souvent de réécouter, voilà, je balance des playlists Spotify, des trucs comme ça. Puis de temps en temps, au pif, on me relance un truc de Nirvana. Puis je me dis, putain, en fait, la ligne de basse, hein, c'est assez intéressant. Donc voilà. C'est quand même ce trio. Hop, et je mets le lien sur le coup, copier, coller, pouf, du passage de Nirvana à NPR. Ah, merci. Comme ça, au moins, je vais mettre à regarder plus tard. Et puis comme ça, voilà. Est-ce que pour terminer rapidement. Le lien du clip de la Zoubida. Non. Terminer rapidement l'année parce que voilà, là on a parlé devant les trucs principaux. Ça va parler à personne, donc je vais dire le 22 octobre sort l'album Human de Death. Voilà, donc Death, c'est un groupe que vous connaissez absolument pas, d'un type principalement qui s'appelait Chuck Schuldiner, qui est décédé d'une tumeur au cerveau quelques années plus tard, qui aura une influence considérable sur le métal extrême des années 90 et 2000. Voilà, ça fait partie du groupe dont personne n'a entendu parler, mais si vous aimez le métal extrême, oui, c'est lui qui... Non, bah oui, non, si, Death, c'est quand même un peu fondateur, quoi. Enfin... Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est normal que personne n'en a entendu parler au niveau du grand public, c'était... Ensuite, on va passer à quelque chose de beaucoup plus grand public, oui, carrément grand public. Ah bah là, tu peux pas faire plus grand public, là. Le 11 novembre est sorti le deuxième album, qui est le second CD, donc les deux premiers CD que j'ai achetés, c'est Nevermind Nirvana, et le second, c'est We Can Dance de Genesis. Ah là là, je voulais en parler. Voilà. Donc, parfait. We Can Dance de Genesis, avec ce clip incroyable, I Can Dance, qui encore aujourd'hui me fait délirer. C'est incroyable, oui, il est beaucoup trop marrant. Avec des titres comme Jesus, He Knows Me, que pareil, tout le monde connaît. Il n'y a que des tubes sur No Son of Mine. Et ma préférée à moi, qui est Driving the Last Spike, qui est une chanson que j'aime mais énormément, qui parle des personnes qui construisaient les chemins de fer aux États-Unis. Et des hommes qui partaient loin de leur famille pendant des années, qui ne savaient pas s'ils allaient revenir parce qu'ils construisaient les premières voies ferrées aux États-Unis. Voilà. C'est un album exceptionnel. C'est voilà, un petit peu comme Death Stranding, en fait. Disons bon, que. Est-ce qu'on peut lui mettre un time-out ou je sais pas quoi. Mais non, mais c'est un peu ça, quand il pense. Mais bon. Non, mais ce qui est intéressant avec Genesis, c'est qu'ils ont mis, à peu près toutes les années 80 à s'émanciper, entre guillemets, des années 70. C'est-à-dire que. Et de Peter Gabriel aussi. Bah, de Peter Gabriel. Alors, l'époque, Peter Gabriel était beaucoup plus psychédélique. Oui. Beaucoup plus prog et surtout beaucoup moins accessible. Soyons honnêtes, c'était quand même des fois un peu du style. Mais que se passe-t-il ? Ils ont pris un virage beaucoup plus Rock FM. Voilà, c'est ça. C'est pas péjoratif du tout. Pas forcément. Et Et ils ont connu un succès énorme, alors à bien avant que tout le monde se mette à détester Phil Collins pour Dieu sait quelle raison. Voilà, donc surtout, moi j'aime énormément l'album Invisible Touch, sorti en 86, que déjà des titres comme Land of Confusion ou Invisible Touch, qu'absolument tout le monde connaît. Et donc là, en 91, ils arrivent, ils sortent Weekend Dance, et... c'est l'apogée, quoi. Enfin, c'est l'apogée. C'est... Ah oui, j'ai oublié Tell Me Why aussi et Hold On My Heart, qui sont les deux ballades entre guillemets. Qui sont... enfin, voilà, l'album est blindé d'excellents titres. Il n'y a pas grand-chose à jeter dessus. Voilà, je peux pas là-dessus. Juste, c'est un album que j'aime beaucoup. Je suis content, Buzzy, que tu avais envie de citer aussi. Parce ouais, que... mais c'est... oui, c'est obligé. Je me marre parce que je repense à ce. Je les revois sur le fond blanc avec leur costard noir en train de faire, je sais pas, ils marchent comme des robots, je sais pas ce qu'ils font. Ouais. Ce clip-là, il veut rien dire, c'est excellent, enfin, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, le 15 novembre, on a eu le retour en force d'un groupe, alors Chou, t'avais l'air de pas trop aimer, mais U2 revient avec la voix Hartung Baby. Ah, je peux pas, moi. Ah bon j'ai l'impression de t'entendre t'étouffer à travers le micro. Ah ouais, mais carrément, hein. j'essaie d'avaler ma salive d'une façon. T'aimes pas Jean Bonneau ou t'aimes pas cet album-là? T'aimes pas Jean Bonneau? Les trois. Les trois. Je supporte pas la voix de Bonneau. Sans déconner. On dirait une portée de chaton qu'on met dans un sac plastique qu'on fait tournoyer au-dessus de ma tête. Je peux pas. Et je peux te dire, hein, la fois où iTunes nous a téléchargé de force un truc à l'époque où j'avais encore un iPhone, putain, le jour-là, je crois que j'ai jamais été aussi énervé pour une connerie, quoi. C'est, voilà, d'un seul coup, t'écoutes ta musique et puis tu balances un truc au pif. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est YouTube, bah, j'ai pas téléchargé cette merde. Je supporte pas ce groupe. Et quand j'entends YouTube à la radio, je coupe le son. C'est-à-dire que je mets même pas rien d'autre, hein. Je préfère le son de mon moteur, tu vois, c'est pour dire. Et je roule en kangoo, hein, c'est pour donner une idée. Bon, un peu plus nuancé pour ma part, U2 c'est pas un groupe que j'aime de l'amour fou, hein. Voilà. Mais sur cet album, il y a quand même des morceaux que je préfère du groupe qui sont One et Mysterious Ways, qui sont deux beaux morceaux que j'adore. J'adore One, j'aime beaucoup ce morceau. Voilà, j'aime pas forcément tout, mais c'était quand même le retour en force de U2 après une période un peu creuse. Je sais pas si vous avez peut-être pas marqué à l'époque. Pas particulièrement, U2, je connais pas de chanson. Je connais, après j'ai. Donc, je pourrais pas dire. À l'époque, j'écoutais pas du tout. D'accord. Bah, après, voilà, c'est venu plus tard, mais je sais que moi je me souviens sur le coup rétrospectivement des clips de l'époque, de Zoo, Topozoo, merde, c'est comment il s'appelait. Je vais fermer l'anglais. Ah, cette chanson Zoologie, Zootopia. Non, c'est pas Zootopia. Zootopia, c'est un dessin. Zoostation, c'est ça. Zoostation, c'est ça. Avec son... Zootacoon. Zootacoon. Fabriquez votre zoo. Et enfin, on termine l'année le 26-11 par un album dangereux. Ah, ben là, ça, c'est pour moi, ça. Donc, l'album Dangerous de Michael Jackson. Allez, Buzz Dick, fais-toi plaisir. Là, on est au-delà encore du grand public. Là, c'est encore le stade. Ouais, non, mais c'est Michael. Non, mais après, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui en écoute ouais, beaucoup. Il est bien. Dangerous. Ah ouais, il est bien. C'est un album exceptionnel. Ouais, ouais, c'est pas son meilleur album, mais c'est difficile pour moi de choisir. Bah, Dangerous, c'est un grand album. Ne serait-ce que par l'utilisation du morphing. Hein. Je retiendrai Black or White pour plein de raisons, ouais. En fait. Parce qu'effectivement. Le kill de Black or White avec Macaulay Culkin. Ouais, c'est ça, et qui était assez fou. Et Slash, accessoirement. Oui, Et puis Give In To Me, et puis. Ah non, non, autre chanson. En fait, je les aime toutes. Pas une seule que j'aime pas. Et puis moi, Ah non, mais c'était vraiment un très bon album. Hein. Si c'est passé. Non, c'est Pep qui nous a fait. J'ai chanté Remember the Time, mais j'ai foiré. Ça, c'est il beau. Il a mangé sa moustache en chantant Michael Jackson. Je suis heureux. Ouais, voilà. Mais après, voilà, moi, à titre personnel, je préfère Bad. Parce qu'il y a des chansons sur Bad que j'aime beaucoup, comme Man in the Mirror, ou Dirty Diana, ou Smooth Criminal. Mais ça reste un très. Parce que. C'est surtout que Bad, il est produit par Quincy Jones. Et pour Dangerous, il passe à Teddy Riley. termes de réal, c'est pas du tout la même. Même si t'es des réalistes, c'est un cador. Dans la réal, c'est un plus gros producteur américain. En termes de son, c'est des sons beaucoup plus métalliques sur Dangerous. C'est beaucoup moins funk, beaucoup. Soul, c'est plus rock. Rock, ah bah rock oui. Métallique, c'est différent. Et pour citer un album que sinon... Ah non, j'allais dire une connerie. Non, je préfère rien dire. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette bite en bois? Ok, Wikipédia, quand je recherche un truc, il me dit que Flying a Blue Dream de Joe Satriani, c'est 91, et quand tu regardes, c'est 89 sorti de l'album. Super. Ouais, j'allais dire c'est 80. Ouais, je pense aussi, mais... Parce que tout à l'heure, j'allais citer Passion and Warfare de Steve Vai, mais c'est 90, mais bon. Et moi, alors, pour enseigner... Alors, confidence, parce que déjà, peu de gens le savent, mais quand j'avais 11 ans, 12 ans, ces années-là, j'étais très fan de Michael Jackson, tout ça. Mais je saoule mes parents avec ça. Et Dangerous, c'est une des, c'est la, sans doute la première cassette, je me souviens, que j'ai échangé avec un pote en mode, il avait l'album et je lui ai demandé s'il pouvait me le copier sur une cassette. Et j'avais cette cassette où j'écoutais Dangerous, donc. Tout à l'heure, quand tu as cité Weekend Death de Genesis, c'est le tout premier CD qu'on m'a offert en fait. Voilà. Mais ah, tu sais que voilà. Ces cassettes avec. Trailer de Michael Jackson que j'ai tellement écouté que j'ai effacé les bandes. Je laisse imaginer à quel point j'écoutais. Et là, je suis en train de me dire qu'il ne me tarde pas de revenir en arrière dans les années parce que je vais devoir avouer que j'étais fan de Claude François. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc oui, Bostik, je pense que tu voulais citer des albums que je n'ai pas cités. Oui. Bon, c'est par Scheller en solitaire de William Scheller. Ah oui, je suis quelqu'un qui adore Weller. Oh là, on n'a jamais parlé, et pourtant j'écoute aussi, tu vois. J'aime beaucoup de titres français, vas-y, fais-toi plaisir, effectivement. Scheller en solitaire, bon, Un homme heureux. Un homme heureux, elle est fantastique, cette chanson-là. Quoi. Et surtout, elle est une de mes chansons préférées de lui. Joyeuse que ce qu'on peut croire, en fait, parce que le refrain, il est positif, quoi. Enfin, je trouve, quoi. Mais bon. Oui, bon, après, si tu. En termes de joyeux, je sais pas si. Ouais, il y a mieux. Hein. Solitaire est très très joyeux. Non, parce que maman est folle. Ah, maman est folle, oui. Ouais. Et il y a Les Filles de l'Horreur, c'est une de mes chansons préférées. Ah, donc, oui. William Scheller, j'aime beaucoup, moi aussi. Ouais. William Scheller, après, il y a Shanice, c'est du R&B. Je pense que tout le monde a oublié. Il y a peut-être la chanson I Love Your Smile. Non. Ça doit vous dire quelque chose. Je pense que si vous regardez dans YouTube la chanson, vous la connaissez. Ça ne dit pas grand chose. Je pense. Je me rassure de voir qu'au moins il y a quelqu'un qui connaît cette chanson. Attends. Love Your Smile. I Love Your Smile. Et c'est quoi? Ça me dit rien. Alors, Shanice, vas-y. Ouais, bah, on va continuer de parler le temps que j'écoute. Hein, que ça me... le début, si, oui. Et voilà, bah, voilà. Comment on te connaît cette chanson? Ah oui, effectivement, oui, d'accord. Il me fallait du temps. Et l'album Inner Child est sorti en 80, c'est ça que j'ai beaucoup écouté. On n'oublie pas le Mama Said de Lenny Kravitz. J'allais en parler parce que j'allais dire, mais merde, personne n'en parle. Parce que bon, il t'a une Tover, Tilly Tover, je veux dire, enfin. Non, mais même l'album aussi. Non, mais oui, mais je veux dire, celle-là en particulier. Oui, tout le monde la connaît, mais après, c'est. Stand by My Woman. Et il y a quand même un autre album. Il y a Céline Dion qui chante Flamandon avec la chanson Diggy quand même. Ah oui, c'est pas alors. Et mais c'est. Et surtout, j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un chum. Meilleure chanson de l'album. Il y avait Alain Bachung aussi, Joséphine aussi. Il y a aussi l'album de Mylène Farmer. Ah ouais, oui, il y a Désenchantés. Désenchantés, ouais. Et il était bien en plus. Hein, en fait, sur Désenchantés, il y a une de mes chansons préférées de tout le temps, la chanson Regret avec Jean-Louis Murat. Avec Jean-Louis Murat, oui. Regret avec Jean-Louis Murat. Mais lui, tu sais, il a toujours un peu critiqué ce partenariat, mais je trouvais que c'était réussi. Moi. La chanson est magnifique. Ouais. C'est Murat, on sait comment il est. Oui, c'est Murat. Ouais. Je suis content. Hein. Il y a aussi Zouk Machine, l'album de Zouk. Chine, Les Saga Fria de Yannick Noah. Oh la vache. Ah oui, alors attention, premier succès d'MC Solar avec Bouche de là, de Yannick Noah avec Saga Africa et surtout, mon préféré à moi, Danny Briand avec Suzette. Oui. Ah. Et ah, le dormeur doit se réveiller. Ah, j'ai mal au ventre. Et Thierry Hazard, la poupée est psychédélique aussi. C'est beau ça. Quand tu vois au milieu de tous les trucs, bons trucs qu'on a cités, c'est là que tu dis en fait la scène musicale en France, tout du moins en tout cas ce qui passe à la radio, à la télé à l'époque, enfin, c'est infernal. Oui, non, mais j'ai mal. Fou, c'est que quand on repense aux sorties jeux vidéo, aux sorties cinéma, aux sorties musicales qu'on cite depuis tout à l'heure, c'est que 91, c'était une année assez folle. Ah, c'est oui, totalement mais c'est aussi, c'est l'année de On Every Street de Dire Straits. Ouais, bah, alors, je l'avais dit tout à l'heure d'ailleurs, mmh. Parce que c'est ça que j'écoutais tout le temps, moi. Ouais, j'en écoutais aussi à l'époque, j'ai beaucoup écouté d'ailleurs. Ah, ouais. J'écoutais ça tout le temps. Et c'est marrant. Préféré, ça reste quand même Love Over Gold et Brothers in Arms. Ouais. Tout à l'heure, on parlait encore Brothers in Arms, c'est magnifique. On parlait que la Stratocaster, c'était le son des années, début des années 90. Bah ouais, Mark Knopfler. Ah bah oui, là, on est dedans. Je pense pas que tu peux faire plus Stratocaster que Mark Fender. Mais que Mark Knopfler plutôt, voilà. Petite question à deux balles. Les années 91, c'est pas l'année aussi où les inconnus, ils ont... Autumn Eye Passy. J'attendais de voir si quelqu'un allait le dire. Ouais, bah c'est parce que quand même... Oui, Autumn Eye Passy. Non, c'est pas une vraie chanson. Et c'est, dans la chanson, les chansons parodiques qui ont bien vieilli, il y avait la Zoubida de la gaffe, hein, bien sûr. Zoubida, ouais. Je voulais pas citer celui-là parce que... Je trouvais ça déjà dégueulasse. Ah non, mais c'était... Mais là, c'est une chanson. Bon, okay. Il y avait Petit Franck de François Fellman. Vous aviez François Fellman? Mais en plus, la gaffe... de Vanille. Je repense, mais la gaffe, il a commencé ça... carrière entre guillemets de chanteur en c'était deux ans avant, un an avant avec Bolo Lavabo, où il disait en gros de toute façon les tubes de l'été en France c'est littéralement de la merde, on pourrait faire n'importe quoi, la preuve je vais le faire, et il l'a fait. il a cartonné et du coup c'est terrible parce que il y avait des chansons à texte comme Félix Grave et Didier Barbelavie avec Il faut laisser le temps au temps. Ouais. Ou qui a le droit de Patrick Bruel qui a cartonné cette année-là. Mais on rappelle le Bryan Adams quand même, hein, avec Robin Desbois. Quand même. Alors, oui, bah oui, forcément. Oui, la chanson Gaston aussi de La Belle et la Bête. Il y a Déjeuner en paix aussi. Les 5 hit singles de l'année 80, c'est-à-dire les meilleures places mondialement, tout ça, blabla. En premier, on a donc Bryan Adams avec Everything I Do It For You. En second, Black or White de Michael Jackson. En troisième, on trouve quelqu'un qu'on n'a pas cité parce que je crois qu'on a un peu tous oublié, c'est Joyride de Roxette. Ah oui, Roxette, d'accord. Oui. En quatrième, ma préférée à moi, qui est une chanson qui sort d'un album sorti l'année précédente mais qui a cartonné en 91, qui s'appelle Wind of Change de Scorpions. Ah putain! Ah ouais! Ah putain! Ouais, ah oui! Ah ouais, quand même! Et ah en ouais. Cinquième, on retrouve Losing My Religion derrière. Alors pour info, ah oui, Scorpions. Quand même, pour info, Scorpions, le seul groupe de rock que j'ai vu en concert. Voilà. C'est... Et c'était très récemment parce que c'était quand ils étaient passés au Mans pendant leur dernière tournée. Donc c'était en 2012. Et vous avez oublié Stéphane Escher. Ah merci. Voilà, pété en déjeunant. Et Paula Abdul aussi. Et lui aussi, il avait une voix cassée. Hein. Déjeuner en paix. Non, il n'a pas une voix cassée, il avait une voix. Il avait une voix sponsorisée par Gitane, voilà. Mais ouais, il y avait Zouk Machine aussi, il y avait Rod Stewart. Tout le monde oublie Rod Stewart, mais moi, j'ai jamais oublié. Il faisait beaucoup de titres pour de hits pour une année, hein, quand même. C'est fou. Ah, non, mais c'est... 91, c'est une c'est année violent. Assez exceptionnelle pour... Ouais, hein. C'était dingue. C'était culturellement, bah ouais, culturellement, non, mais au sens pop culture. C'était. Alors, on n'a pas parlé des bouquins non plus, on aurait pu, hein, je sais pas, il y a quoi. Des quoi, des bouquins, j'ai pas entendu des bouquins. Ah ouais. Ça se trouve, j'aurais pu rajouter juste un petit mot aussi pour Buzz Dick, parce que ça va lui parler. C'est que question bande dessinée, en 91, c'est le numéro 1 qui est arrivé en France d'une grande collection qui allait se poursuivre pendant plusieurs années. La date de réécriture en français, évidemment, de Calvin et Hobbes. C'est 91 ? Ouais. Oh putain, c'est cool. Oui, parce que j'aime beaucoup Calvin et Hobbes. C'est assez fou, hein, quand même. C'est déjà aussi. Ah oui, en 80... ah oui, en 91, il y a aussi les Rembrandts, Just the Way It Is, Baby. Qui se souvient des Rembrandts? Pas moi du tout. Pas moi du tout. Mais tu... Dommage. Hein. 10 ans. T'as eu quoi aussi 91? Oh merde, c'est niveau... Friends. Ah oui, oui, d'accord. C'est ce qu'on fait générique de Friends, c'était leur premier succès, Just the Way It Is, Baby. On parlait tout à l'heure, 91 en bande dessinée, qu'est-ce qu'il y a de sorti? Il y a un album des Tuniques Bleues. En fait, à la base, je disais ça pour déconner, hein, parce qu'il faut pas que... il est déjà presque minuit moins le quart, c'est pour ça. Je... Oui, non. Je... Ah, sinon, il y a, en bouquin, il y a American Psycho aussi, hein, je... par exemple. Je regarde aussi ce qui est sorti vite fait, mais... Vous avez conscience qu'on pourra jamais faire mieux que l'année 91? Bah, c'est chaud, hein. Ça va être un peu compliqué. Mais, disons que c'est tout, c'est-à-dire que à la fois... À la fois, il y a énormément de choses extrêmement marquantes qui sont sorties, et à la fois, on était, bon, peut-être pas moi forcément, mais je veux dire, Boss Dick, Chou, Pelle et moi, on était à l'âge où on se forme, où on découvre des choses, où nos goûts se forgent, et c'est vrai que c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est vraiment, t'es là, tu commences à t'intéresser à la culture, et t'as ça qui sort en même temps, et c'est... Ah mais c'est ouf, c'est totalement fou, hein. Extrêmement, non, en plus, voilà, en 91, moi j'avais déjà un Walkman. Et des cassettes, j'en avais, j'allais en piocher un peu partout, je prenais tout ce que je trouvais. Et Moi, j'ai acheté les compilations qui s'appelaient les tubes. Oh, j'avais oublié ça. Voilà. J'en ai plein en CD, c'est un de mes gimmicks quand je suis dans les caches. Dès qu'il y en a un que je n'ai pas, je l'achète. Ou le Boulevard des Hits aussi. Ah, Boulevard des Hits. Boulevard des Hits qui était la célèbre émission de M6. Oui. Tous ces... Il y avait les compil fun radio aussi dans ce genre de trucs. Il y a aussi Dance Machine. C'est terrible, hein? Tout ça s'est passé. Et, ouais. Et là, on va faire les vieux cons, c'était mieux avant. Bah oui. Voilà. Bah, honnêtement, bah, je sais pas. Je sais pas, je viens d'apprendre que c'est David Harbour qui allait jouer le Red Guardian dans le MCU. Je savais pas. C'est trop bien. David Harbour, c'est pas celui... Ça n'a rien à voir, hein, désolé. David Harbour, c'est pas le dernier Hellboy? Alors, il a fait ça entre autres, oui, il joue dans Stranger Things, il joue dans plein de trucs. Hein, mais t'as raison de nous remettre en 2001. mais parce qu'en fait, parce qu'il y a quand même des choses bien, justement, David Harbour, moi j'aime bien. Ah, bah je l'ai trop bien, je kiffe ce mec. Ouais. C'est pas le type de Stranger Things aussi, c'est ce que je viens de dire. Le type de Stranger Things. Et en Red Guardian, bah ouais, ça le fait en fait. Bref, oui, de 1991. Voilà. On est capable de passer de tout à n'importe quoi. Oui, bah oui, oui. 1991, voilà, c'était bien. C'était une année formidable. En chose à dire, hop, moi je vais vous laisser avec la meilleure reprise de cette année-là. Hop, pouf, pour vous. Cadeau, meilleure reprise de l'année 91. Je crains le pire. Et je vous laisse cliquer en fait. Ouais, j'ai peur. Non, mais quelque part, quand j'ai fait mes recherches, j'étais sûr que t'allais sortir ça. Ouais, non, parce que les liens piégés, je les connais. Non, mais ne ris pas. J'étais sûr que... That's where it is. C'est Chou Chou Song, ça. Oh oui. J'ai pas cliqué, mais j'aime beaucoup la chanson, en fait. C'était cher. La version chère, c'est ça. Oui. Ma sœur, elle avait le vinyle, elle écoutait tout le temps. J'adore cette chanson. Ah, ma sœur, elle écoutait tout le temps. Bon, et ben, on va devoir trouver un autre. Alors, tu l'as vachement bien chanté pour que je la reconnaisse. On va devoir remplacer Boss Dick. Ouais. Ouais. Je crois qu'on a joué des prolongations un petit peu comme d'habitude. Qui est là. Bon, bah, non, mais c'est bien, ça fait émission de rodage en même temps, ouais. Comme ça on va mieux savoir où c'est qu'on va pour les prochaines années, la façon dont on peut... Ce qui est magnifique, c'est que je vous raconterai mon jeu dans 15 jours. Eh oui. Eh ouais. Ou toujours pas, hein, on ne sait pas. Toujours pas. Peut-être toujours pas, ouais. Oui, peut-être pas. Si on fait encore une autre année qui est sensationnelle. Hein. Ah oui, mais j'avais oublié à quel point 91 était fou. Moi aussi. Et ouais. Moi, sur le coup, on espère déjà merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont participé ce soir dans le chat. Merci à tous, c'était fort agréable. Ouais, j'espère qu'on vous aura évoqué des souvenirs pour les plus anciens et donner l'envie de rechercher des choses, de réécouter des trucs ou de découvrir des choses aux plus jeunes. Donner l'envie d'avoir envie, c'est effectivement le cas parce que Diego est sorti en 91 aussi. C'est vrai. Oui, vous donnez l'idée, oui. Ah, c'est bon. C'est vrai. C'est même pas une blague en plus. Moi, c'est... Disons qu'en fait, c'était une blague, mais une blague méta. D'accord. Ouais. C'est ça, il y a vraiment quelque chose qui est sorti. Donc, sur le coup, un petit coucou aux gens qui nous écoutent après coup. N'hésitez pas, encore une fois, pouce bleu, cloche, abonnement, tout ça. Et nous laisser un mot, nous dire s'il y a des choses que vous aimez, que vous avez moins aimées, des groupes ou des films totalement obscurs dont on n'aurait pas parlé. Et donc sur le coup, comme ça, on va pouvoir faire d'autres années. On s'est dit que ça serait sympa. Je ne sais pas quelle sera la prochaine. Je ne sais pas quel sera le thème du prochain podcast, mais on se retrouvera. C'est Francis Lalanne, ça, et c'est pas sorti en 91. et c'était pour le film Le Passage de René Manzor. Ok. Donc je vais couper le stream là parce que je crois qu'on commence à. Bon. Et tu me délivreras, tu briseras. Tu vas juste dégager, voilà, tu te casses, tu es puni. Bon bah finalement on ne refera plus jamais une année en fait, Et coucou KD, oui 98 en termes, on s'était dit que ça allait être balèze aussi. Voilà. Mais... Et en 98 on chantera pa-pa-la-pa-pa. Il est temps d'arrêter. En 98 on a l'Hermès House Band. Oui, à Blue, enfin, non, FL65 et tout, enfin, ça va être démoniaque. Non, en fait, ça on ne fera pas l'année 90. Allez, donc, salut, allez, merci. Merci d'avoir suivi le podcast, abonnez-vous, pouce bleu, voilà, puis cassez-vous, hein, allez, hop, salut. Vive la vie et la mer, on ferme.